C'est fou! 89. Le plan aujourd'hui à Sauvage Requis. Oh boy, hein? Qu'est-ce qui se passait? Catherine Langlois nous amènera au bout du monde dans sa chronique voyage. Et on vivra des moments croustillants dans notre segment Malbouffe, une grosse pointe à l'adresse. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouais, exactement. Sauvage Requis, genre, tout de suite. Mettons. Commence là, là. J'ai passé la soirée avec ça dans le derrière pour un bruit. À Sauvage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Hey! Hey! Bienvenue à l'Assemblage Requis. Oui. Ah, ça sonne mieux, là. Non. Ben oui. On est à 190 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. C'est bien Mathieu qui parle, ouais. Oui, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va avoir toute la musique aujourd'hui, moins de chroniques. Mais tu sais, hier, on en a discuté. Un peu. Mathieu, lorsqu'il mouille, faut pas que tu marches 45 minutes avec non. ça. Tu m'as dit prends les vitamines pour t'aider pour pas attraper le rhume tout le temps. Je suis allé à la pharmacie, j'ai parlé à la pharmacienne. J'ai dit, est-ce que c'est parce que je suis revenu à la maison appuyé sous la pluie? Elle a dit, c'est un mythe, ça. Ben là. C'est un mythe. Clairement, c'est quelque chose qui t'est arrivé, en tout cas. Elle dit, un rhume, c'est un virus. Ouais, mais c'est parce que ça fait 2 semaines que t'as eu le rhume, là. Ouais, je sais, ben justement, c'est parce que je prenais pas assez de vitamines, peut-être. Elle m'a dit, continue de prendre des probiotiques et prends des vitamines centrum, truc. Fait que là, je prends ça. On va voir. OK. Mais les 4 heures de radio aujourd'hui vont être pénibles. Oui, peut-être. Oui. C'est fort possible. Pas de chronique de ma part, même si j'en avais prévu quelques-unes, je pense pas être capable de les faire. Mais toi, par contre, tu t'en viens plus tard avec Tania is gonna entertain you. Évidemment, on va faire le tour de l'actualité, comme bon chaque jeudi. On veut un petit peu parler de ce qui est sorti hier. Hein. Je pense que c'est quelque chose dont il faut parler. Ouais, pis, pipi. C'est ça. Ouais, pipi. Hey, j'ai écouté Rouge FM hier. Oui. Pendant toute la soirée pour savoir ce qu'elle allait jouer à la place d'Éric Salvage. Oui, exactement. Wow. C'est. Ben, se revirer sur une scène, ça s'est quand même bien fait. Ça s'est bien fait. De la part de Rouge. Bravo. Ouais. De leur part. J'ai malheureusement pas regardé V hier soir. Je sais pas qu'elle s'est. Oui, j'ai regardé V aussi. En fait, j'ai enregistré V. Je me suis couché à 8h30. OK. J'ai dormi à 8h30 à minuit et demi. Mm-hmm. À genre minuit, mettons. Après ça, j'ai resté une heure debout parce que j'arrivais pas à me rendormir. Et je me suis rendormi de 1h à 5h30. Wow. Ah. Bref, hier, ils ont reculé Occupation Double à 22h. OK. Ils ont joué La Guerre des Clans et à Tombe Crochu après. OK. Bon. Donc, c'est un changement d'horaire auquel on va devoir s'habituer pour quelques temps, mais on va revenir plus tard tout à l'heure. Ah, j'ai bien hâte d'entendre ça. Ouais. Catherine Langlois s'en vient aussi plus tard avec sa chronique Voyage. Elle va nous emmener quelque part, on sait pas où, mais tu sais, elle fait le tour de la planète. Donc, ça pourrait être loin. Ça pourrait être un pays dont vous avez même pas entendu parler encore. Ça se peut. À la fin de l'émission, on va goûter à un produit du tiroir, c'est-à-dire que j'ai gardé dans mon tiroir pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, ça va être croustillant. Croquant. On aime ça? Mais on va surtout écouter de la musique aujourd'hui. Oui, il faut... On va se le permettre, les 2 dernières journées, on n'a pas nécessairement eu l'occasion de pouvoir le faire aussi. On avait des grosses émissions, exact. Beaucoup d'invités, beaucoup de chroniqueurs. Alors pourquoi pas faire un petit compromis. Un petit spécial. C'est ça, spécial. C'est samedi, c'est jeudi. Ben, c'est jeudi le nouveau samedi. Hein, c'est ça. Après jeudi le nouveau vendredi. Exactement. Bref, pourquoi pas. On va y aller avec quelque chose de très très lazy. Quelque chose qui dure très très longtemps pour commencer l'émission. Donc voici Sleazy. Et Rave Mélancolie à Sauvage Requis. Au 89 FM. Je peux faire des basses quand même. Ouais. Je vais y mettre tout le long comme ça. Oh, c'est pas pire ça. toilettes et backstage, j'ai la nausée. Partout les DJ jouent les mêmes chansons, c'est le rêve mélancolie. Donnez-moi une musique qui efface la mémoire, ouais, donnez-moi du groove. Je m'essouffle dans le rêve mélancolie. Saute ta motocyclette, amène-moi dans un endroit dégueulasse, j'ai envie de me battre et de casser les verres. Crazy et Rave Mélancolie ce matin. Oui. Une longue pièce pour pouvoir donner un répit à Mathieu qui suce sa pastille oui. ce matin. Je bois de l'eau et je suce ma pastille. Exactement. Comme tu m'as dit de faire. Ben oui, il faut. Je vais en trouver d'autres des pièces longues comme ça pour la résolution. C'est quand même plaisant. On aime ça, on aime ça. Ah, ok, oui. Bref, toujours à Assemblage Requis. Maintenant, on va se continuer ça avec une petite liste. Mm-hmm. Une liste dans un ordre plus ou moins précis qu'on appelle... Son foutu palmarès. Ok, oui. Oui, la chronique comptable des listes. Et on commence aujourd'hui un petit bloc à thématique croustillant. Ouh, d'accord. Un bloc sur les chips. On aime ça. Pourquoi pas? Donc, il y a des faits sur les croustilles. Hein, c'est de la nourriture parfaite pour quand t'as une petite envie comme ça. Oui, oui, oui. De manger quelque chose de croustillant. Ou quand tu lis les nouvelles croustillantes. Quand tu lis le sac de chips du Journal de Montréal. C'est ça. Bien sûr. Donc, leur origine, en fait, on dit que leur histoire qu'on raconte souvent sur les origines des croustilles n'a peut-être jamais eu lieu. OK. Est-ce que c'est compréhensible mes phrases? Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Selon la légende culinaire, donc les croustilles sont nées lorsque un chef de Saratoga Springs à New York, George Crumb, a présenté la première assiette de croustilles à Cornelius Vanderbilt en 1853. Crumb essayait donc de prendre sa revanche sur Vanderbilt, qui n'arrêtait pas d'insister à ce que ses frites, mm-hmm. N'étaient pas assez minces. Oh. Il était tanné de se faire renvoyer le plat à l'arrière, selon l'histoire. Donc Crumb a lancé une nouvelle batch de patates super minces comme du papier, les a fait cuire jusqu'à temps qu'elles soient trop croustillantes pour être prises avec une fourchette. Et les a amenées à Vanderbilt, s'attendant à le fâcher. À la place, le gars a adoré le plat. Ah, une nouvelle tradition est née. Mais certaines sources notent que cette histoire-là est probablement plus folklorique qu'autre chose. Ah ouais. Ce n'est pas une vraie histoire. Ben, mouge. Le mot chips, tu sais qu'en Grande-Bretagne et ailleurs, au lieu de dire chips, on dit des crisps. Oui, puis on dit fries aussi. On dit des... Attends un peu. À la place de chips, on dit des crisps. Et à la place de fries, on dit des chips. Ouais. C'est ça. Exactement. C'est bizarre. Oui, comme dans un fish and chips, c'est pas des chips, c'est des frites. Bon. Bref, l'histoire de Crumb et de Vanderbilt est peut-être du folklore, mais quand même, les Américains ont le droit... ont choisi le nom de ces collations-là, même s'il y a une recette en 1822, une recette britannique qui parlait de patates frites en tranches très minces, mais c'était plutôt coupé à un quart de pouce d'épais. Donc, c'est pas si mince que non, ça. Non, c'est ça. Ouais. Donc, les chips ont leur route, leur trace, oui, qui peuvent... retourner à Saratoga. Les itérations suivantes, en devait beaucoup aux chips de Saratoga. Éventuellement, c'est rendu à un public national grâce à Herman Lee, qui était basé à Nashville. On connaît tous les chips Lay's. Certainement. Évidemment. C'est presque mort, les croustilles, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non. Oui, lorsque les États-Unis sont arrivés à la Deuxième Guerre mondiale, les croustilles ont été déclarées comme non essentielles. Je pourrais dire le contraire facilement. Et on a dû arrêter la production. Les entreprises qui fabriquaient des croustilles n'ont pas vraiment aimé l'idée et des manifestations ont convaincu donc le War Production Board, ceux qui décidaient de qu'est-ce qui était essentiel ou pas, oui. De lâcher ce projet-là, d'arrêter les croustilles. Grâce à ces patriotes qui adoraient les croustilles se sont vendues encore mieux pendant et après la guerre qu'auparavant. Ça doit. On en doit un petit peu aussi à Laura Scudder, qui est la reine des croustilles en Californie. OK. Avant que les croustilles soient produits en quantité massive et partout dans le monde, elles s'étaient vendues dans des petites boutiques. Les petites boutiques locales, des épiceries, des magasins généraux. C'était servi dans des barils de bois ou encore pris avec une cuillère, un peu comme des bonbons en vrac. Ouais, OK. Derrière un comptoir de vitre. Ça a pris une femme de la Californie pour imaginer le concept de mettre les croustilles en sac. Hey, hein? pour la fraîcheur et pour le transport, bien sûr. Donc, Laura Scudder, qui avait ouvert une compagnie de croustilles en 1926, a travaillé fort pour perfectionner son idée. À l'origine, c'était fait de papier ciré qui était en fait repassé à la main pour faire des sacs qui résistaient à la graisse, à l'huile. Et ces premiers sacs-là, donc, étaient les avant-coureurs des sacs d'aujourd'hui qui sont en aluminium. Les Pringles ne sont pas des croustilles. Quoi? Ne sont pas des potato chips. Elles sont des potato crisps. OK. Les tubes de croustilles, entre guillemets, ont eu quelques difficultés avec les fabricants de croustilles traditionnels, presque aussitôt que c'est apparu sur le marché en 1968 aux États-Unis. Le Potato Chip Institute International, qui est représentant basé à Cleveland, de centaines de fabricants de croustilles, a parlé et sorti dans les médias contre Pringles, étant donné que la nouvelle collation de Procter & Gamble était fabriquée à partir de patates sèches, non pas de patates fraîches. Oh, donc la guerre des patates est restée pendant plus d'une décennie, presque une décennie, pardon, avec l'Institute qui n'arrêtait pas de dire que sa définition d'une croustille, d'une potato chip, était une tranche de patates crues, fraîches, frites dans l'huile à légumes, salées et ensuite mises en sac. Éventuellement, Procter & Gamble a abandonné le combat. Ils ont commencé à dire que c'est des potato crisps. Ah, c'est pas fou? Ouais. Ensuite, il y a plus que seulement de l'air dans les sacs de croustilles. Eh boy, ouais. Ça, en tout cas, il y en a beaucoup, là. Ouais, des fois, la moitié, sinon plus le deux tiers du sac. Oui. L'espace additionnel est pour coussiner un petit peu, pour empêcher les chips de se crapouter dans le sac. Les sacs sont aussi pompés plein de nitrogène pour aider à garder le produit plus frais après l'ouverture. Ensuite, crispy et crunchy, donc deux synonymes, on dirait en français, pour croustillant, ne sont pas la même chose. OK. Le professeur William Ely de l'Université du sud de la Floride est peut-être un des meilleurs scientifiques du monde par rapport aux croustilles. Après avoir passé plusieurs années à étudier le côté croustillant des croustilles et d'autres collations salées, dans le début des années 90, Lee s'était établi comme étant l'autorité sur ce qui rend les croustilles satisfaisantes. Lee nous apprend donc que le son de mâcher des chips, ça contribue au plaisir que tu as quand tu manges. Dans l'étude qui s'appelle Analysis of Food Crushing Sounds During Mastication, analyse des sons de croustillance lors de la mastication. Il nous apprend que chaque personne qui mange des croustilles maximise le son qu'il crée avec chaque bouchée. C'est clair. Ouais. Ceux qui portent des écouteurs, ce qui les empêche d'entendre le son, finissent par trouver ça ennuyant un petit peu plus rapidement. Ouais. Une note importante, nous dit-on, des choses qui sont croustillantes ont tendance à produire des sons plus forts et des sensations qui durent plus longtemps. Généralement, ils vont toujours être... on parle entre autres de choses qui sont toujours difficiles à mâcher même après 10 fois, 10 ouvertures et fermetures de la bouche. Okay. Par exemple, des chips tortillas, des fois, il va vraiment falloir mâcher plus longtemps. Oui. Les textures croustillantes, crispy, dans ce cas-ci, ne vont durer que quelques bouchées. Ils vont faire un bruit plus aigu. Donc, crispy versus crunchy. Donc, celui que je disais tantôt qui était plus long et avec une plus longue sensation et des sons plus intenses, c'est ce qu'on appelle crunchy. Ne pas faire la... se confondre entre les deux. Non, en effet. Ensuite, ça a aidé une Olympienne à se rendre au sommet. C'est Jackie Joyner-Kersee, hein, possiblement la meilleure athlète féminine de l'histoire qui a eu des débuts très difficiles avant de dominer le domaine du basketball universitaire. Aussi l'heptathlon chez les femmes et le saut en longueur dans plusieurs Jeux olympiques. Mon Dieu. Avant de recevoir l'or, l'argent et le bronze, elle était une fille de 9 ans. Qui arrivait souvent en dernier dans ses... est arrivé en dernier dans sa première course. OK. Quand même, elle a juré à ses amis qu'elle allait se rendre aux Olympiques un jour. Donc, la future championne voulait commencer à se pratiquer immédiatement, mais elle n'avait pas d'endroit pour atterrir après son saut en longueur. Donc, elle a demandé l'aide de ses sœurs. Et ils ont commencé à visiter un parc pour remplir des sacs de croustilles avec du sable. Oh! Ils ont ramené ça pour pouvoir faire un atterrissage de sable. Donc, c'est à cause de le saut à longueur, ouais. Le saut à longueur. Le plus gros sac de chips au monde pesait autant qu'une petite voiture. Ouh là là! Oh, wow. Donc, c'était le 13 septembre 2013. Corker's Crisps a eu le nouveau record du monde pour le plus gros sac de patates chips qui mesurait 18 pieds de haut et accueillait 2515 livres de croustilles. Ils ont été faits, en fait, ces croustilles-là, dans une seule batch. Et selon les règlements de Guinness World Records, c'est ce qu'il faut faire pendant une période de 17 heures. Donc, tu pouvais pas faire plusieurs productions, oui, de chips, si on veut. Bref. Ensuite, tiens, les monts et vallées dans les chips, Ruffles, etc., l'ondulé, hein, c'est une merveille de l'ingénierie. Okay. Les consommateurs de chips voulaient une chips un petit peu plus lourde, qu'elle n'allait pas se casser lorsque tu trempes ça dans de la sauce. Mmh. Donc, on a amené la chip ondulée, qui est 4 fois plus épaisse qu'une croustille normale et beaucoup plus solide. Et il n'y a aucune saveur de trop bizarre. Hein. Il y a plusieurs saveurs de croustilles, ouais, de nos jours. C'est difficile donc de s'imaginer qu'à l'époque, les croustilles ne venaient qu'en une seule saveur, c'est-à-dire la saveur de patate. Mmh. Hein? On a commencé à assaisonner les produits vers les années 1950 et depuis, les compagnies autour du monde ont sorti plusieurs variétés pour leurs marchés locaux. Aux États-Unis, entre autres, barbecue et crème sure et oignon, bien sûr. Des saveurs un petit peu plus bizarres comme El Buffalo, cornichon, crabe. Mm-hmm. Ailleurs, dans le monde, en Europe, au Royaume-Uni, on a des prawn cocktails. C'est une sorte de fruit de mer. Il me semble que c'est peut-être des pas crevettes, mais quelque chose ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais. T'as roast beef. Ouais. T'as en Grèce la saveur d'origan. Okay. Au Japon, t'as de la sauce soya comme chips, algues, des chips au beurre. Ouf. Et plusieurs autres, dont paprika, menthe, oui. Mayonnaise. Mayonnaise? Ouais, et écureuil cajun. Pardon? Écureuil cajun. OK. Y a d'ailleurs un article sur les croustilles au cajun. À l'écureuil cajun, l'article est sur assemblagerequis.com. Il y a aussi, dans la même catégorie, ça c'est chez Walkers, l'équivalent britannique de Lay's. Ils avaient un peu comme nous, on a voté pour votre saveur préférée, hein, c'est la même chose là-bas. Il y avait déjeuner du travailleur, Builder's Breakfast. Mm-hmm. Donc ça goûte, j'imagine, œufs, bacon, toast. T'avais chili et chocolat, oignon bagie, comme les collations à Chasse-Galée, fish and chips, miam, écureuil cajun et... crispy duck and hoisin du voisin. C'est pas la petite sauce, là? Oui, de la sauce au poisson. Poisson, ouais, exactement ça. Donc, c'est canard croustillant et sauce au poisson. Wow. Wow. C'est chez Walkers au Royaume-Uni. Voilà, moi, je vais arrêter ici. Oui. Hein, bonne idée. Très bonne idée, Mathieu. Prenons une pause. Très bonne idée. Après ça, de la musique pendant un bout. Hein? Mais oui, on aime ça. On vous diversifie l'émission aujourd'hui. Évidemment. On divertit et on diversifie. Exactement. Pareil comme Rouge FM hier. Pareil. Mais en meilleur. On fait un nouveau C'est fou. Assemblage de qui? Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Toujours dans l'émission matinale Assemblage Reiki avec Mathieu Plante. Si on veut, et Tania Baudin. Sa voix est moins là, par exemple. Un petit peu moins, mais t'as dit qu'elle n'était pas si pire que ça. Oui, non, ça sonne quand même bien, Mathieu, malgré tout, exactement. J'aurais pas à me faire, arracher les cordes vocales et puis recommencer à zéro. Non, peut-être juste un deuxième suppositoire ce soir. Hey, pour vrai, en écoutant Rouge FM hier, le suppositoire. Oui, ben oui. Ça fitait, hein? Ça joue. Écoute, j'osais pas le dire. Mais on n'est pas là pour rire des autres. Non, on est là pour surtout écouter de la musique. Absolument, écoutons de la musique. Et d'ailleurs, tantôt, on écoutait une pièce de 8 minutes du côté francophone. Il y en a une nouvelle du côté anglophone qui va entrer dans les palmarès, si je comprends bien, parce qu'elle est dans le dossier. Hein? J'imagine que ça va être ça. Ça va être la semaine prochaine. Donc, c'est une avant-première à l'émission. Tout à fait, on aime ça. Première diffusion sur nos ondes. Donc, voici The Soul Jazz Orchestra et Dog Eat Dog. Assemblage requis. Sur C'est fou. 89 FM. We are all in the same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb, it's dumb, it's dumb, dumb. System sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. Come on. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. Say it's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world out there. It's a doggy dog world. Each man for himself. Survival of the fittest. Each man for himself. Law of the jungle. Each man for himself. Survival of the fittest. Each man for himself. Law of the jungle. Each man stepping on the next. In a race to the bottom. Each man stepping on the next. In a race for the bread. Each man stepping on the next. In a race to the bottom. Each man stepping on the next. In a race for the bread. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. Lies. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. Lies. But you can't piss on my leg. And tell me it's raining. It's only freedom. If you're the big dog eating. But you can't piss on my leg. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. C'était bon, ça. C'était très bon. J'adore. Ça met de bonne humeur ce matin, en tout cas. C'est groovy pas mal. Exactement, on aime ça. Maintenant, ça me fait penser un petit peu à la musique que David Ferron nous a fait écouter dans l'émission d'hier. J'allais dire Papa Groove. Exactement. Yeah, on va en jouer de ça. Ben oui. On va en jouer plus tard aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, jason maintenant. Oui, tout à fait. Parce que je me suis dit, Mathieu, on est à l'automne. Pourquoi pas faire un petit bloc d'automne ce matin? C'est une bonne idée, hein? Ça. On aime ça. On est à la mi... Quasiment à fin d'octobre, ouais, déjà. Tiers, genre. Et comment est-ce qu'on peut arriver à profiter de l'automne? C'est assez difficile parfois, mais on se dit qu'on peut profiter de l'automne pour justement jouer dehors. Oui, c'est ça, parce que c'est bien assez. C'est pas assez les lattés à la strips. Mais c'est ça. Puis on est vraiment, tu sais, on va se le dire, hein, l'automne, on est entre deux saisons. On est entre le chaud, on est entre le frais de l'hiver. Donc, c'est un petit peu la saison parfaite pour justement profiter de l'extérieur sans que ça soit trop déplaisant. Si vous êtes sur Facebook, j'imagine que la plupart de vous être sur Facebook. Bien sûrement que votre fil d'actualité, en fait, est rempli de photos automnales. On voit les arbres, là, ça commence. C'est moi aussi ou c'est des photos d'automne, c'est un des deux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a soit des filles qui mettent des beaux outfits sur Facebook, c'est-à-dire des photos d'elles-mêmes habillées en automne, ou encore, on a des photos des activités de saison. Et aujourd'hui, bien, c'est un petit peu ce que je vous propose. En fait, on va parler d'activités qui vont vous permettre de profiter au maximum de l'automne et avoir aussi des belles petites photos, soit pour votre Instagram ou votre Facebook en prime. Tu penses à tout. J'imagine que ça dépend de votre âge. Il y en a que c'est juste de faire l'activité et il y en a que c'est pas mal plus de pouvoir mettre la photo sur Facebook que de faire l'activité en soi. Donc, la première, c'est bien évidemment la randonnée pédestre. Je pense que c'est un classique maintenant pour le temps de l'automne. C'est une activité qu'on adore faire parce que justement, c'est pas trop chaud, puis c'est pas trop froid. Mais l'air frais et les couleurs vives, c'est toujours au rendez-vous, en montagne surtout. Et au Québec, ben, on est un petit peu choyé de pouvoir avoir plusieurs sites où c'est possible de pouvoir pratiquer cette activité-là. Donc, si vous voulez joindre justement les beautés de la couleur pour votre photo Instagram à la beauté de pouvoir marcher pendant 3h15, bien, c'est un petit peu l'activité qui va en soi. Sinon, on parle d'agrotourisme et d'auto-cueillette. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, dès le mois de septembre, ça commence à sentir pas mal l'automne dans les régions. Ouais. Vous allez commencer à voir, bien évidemment, les décorations d'Halloween sortir dans les commerces. Et c'est le temps des pommes pour la plupart des couples, la plupart des gars qui veulent se faire traîner un petit peu partout. Et c'est aussi le temps des citrouilles, mais des courges aussi. Oh. Chose qu'on oublie parfois. Donc, grâce à leur belle récolte, certains marchés au Québec, certaines fermes et certains vignobles vont ouvrir leurs portes au public pour des visites justement qui sont de style dégustation. Donc, vous allez pouvoir aller cueillir ce que vous voulez déguster et par la suite, à l'intérieur de la ferme, bien, on va vous faire déguster ce que vous avez été cueillir. Donc, ça va faire plaisir à vos papilles gustatives, bien évidemment. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire entre amis. Ah, va pas tes cours, va tes courges à la place. Bien, c'est ça, exactement, on adore ça. Vous pouvez faire ça en couple. Donc, c'est des activités qui fit un petit peu avec tout le monde. C'est aussi le moment parfait, bien évidemment, pour prendre des belles photos quétaines ou quasi classique en plein milieu d'un champ de citrouilles ou en plein milieu d'un arbre avec des pommes à l'intérieur. Là, on voit ça un petit peu partout. Donc, c'est vraiment la beauté du Québec qui nous est offerte, contrairement un petit peu partout ailleurs dans le monde qui n'ont pas cette grande période-là où on peut faire ce genre d'activité. Par la suite, il y a le vélo. Qui est aussi une activité d'automne, sachez-le. La plupart du temps, les Québécois vont penser qu'à l'automne, on range notre vélo. Range le vélo quand il commence à neiger. Exactement. Il reste encore de très belles journées pour pouvoir prendre sa bicyclette et admirer les belles couleurs. Donc, si vous êtes du type aller faire du vélo dans le bois, bien, c'est sûr que là, si on est en automne, on vous dit de faire attention parce que ça peut être pas mal plus glissant considérant le fait que les feuilles sont par terre. Mais si vous voulez tout simplement aller le long de la piste cyclable, c'est sûr que vous allez voir des paysages qui vont être quand même très, très beaux. Donc, vous allez juste enfler un petit chandail, des cuissards qui vont être longs au lieu de vos shorts. Puis, vous allez pouvoir avoir des petites joues rouges là, après votre promenade à bicyclette automnale. Ah, t'arrives plus proche de chocolat chaud. C'est ça. C'est avant de pouvoir aller à la saison de ski, tu vois. Tu continues à faire ton vélo. Pour ceux qui sont adeptes de course, bien, vous pouvez continuer à faire de la course à sentier, sachez-le. Pour certains, ils ont testé cette activité. On s'est fait la promesse, en fait, de l'essayer et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est possible, mais aussi quelque chose qui est très, très le fun à l'automne parce qu'encore une fois, tu sues pas trop, il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid non plus. Donc, on croit que l'automne, en fait, c'est une des plus belles saisons pour commencer la course en sentier parce que justement, t'auras pas les répercussions d'un 40 degrés ou d'un moins 30. Tu es vraiment en plein milieu d'une saison où ça peut être très plaisant de commencer, de te familiariser un petit peu avec cette activité-là. Donc, évidemment, ça va sentir bon parce que l'automne, apparemment, ça sent bon. Les couleurs des feuilles... À Trois-Rivières, moins un peu. Oui, c'est ça. Les couleurs des feuilles sont très, très belles. Ça va être magnifique. Et aussi, parfois, si tu n'écoutes pas trop de musique sur ton iPod ou sur ton téléphone, bien, tu peux avoir le bruit des feuilles qui vont craquer sous tes pieds. Donc, ça réjouit varie un petit peu les gens qui vont faire de la course en sentier. On peut avoir accès facilement aussi à des sentiers qui sont très près des maisons. Vous pouvez aller dans des trails aménagés spécialement pour ça aussi. Si vous êtes du style cross-country un petit peu plus, si vous êtes un petit peu plus adepte des sports extrêmes, ouais, disons ça comme ça, bien ça peut s'avérer être un sport très extrême en automne dans le fin fond du bois, sachez-le. Donc faites attention, mais évidemment l'automne c'est la saison parfaite pour pouvoir faire ça. Et c'est sûr, un incontournable, c'est l'Halloween et ses activités qui les entourent. Donc l'Halloween, ça arrive en grand pas au mois d'octobre. Je pense que dès septembre, on peut sentir les gens un petit peu... on peut sentir la frénésie de cette fête diabolique. Mmh. Et il y a plusieurs municipalités qui offrent différentes activités pour célébrer la fête, dont des maisons hantées, des labyrinthes, des concours de décoration de citrouille. Ça se fait à certains endroits, ça se fait dans certaines fêtes de quartier aussi. Si vous êtes du style à avoir des fêtes de quartier et à aimer ce genre d'activité-là, bien, regardez s'ils n'ont pas justement un concours de décoration de citrouille ou s'ils n'ont pas un concours de craving de citrouille. Donc, des découpages. Oui, c'est ça, découpage, là, faire des faces dans une citrouille. Pour certains, c'est très, très le fun et c'est une activité où la plupart du temps, ça va être des familles qui vont aller voir ça. Donc, ça va être calme. Ça se fait bien un dimanche après-midi quand t'as pas grand-chose à faire de ton dimanche après-midi. Et pour conclure, bien évidemment, toutes ces belles activités, bien pourquoi pas, comme tu le disais tout à l'heure, déguster un bon breuvage chaud quand on revient à la maison et le faire, bien évidemment, à base de citrouille. Pas le choix. Hier soir, j'ai testé un café à base de citrouille fait maison. Ah oui. C'était excellent, ça Mathieu. J'avais pris la recette sur un compte Facebook de style recette, bien évidemment. Et j'ai testé ça avec ma coloc. C'est merveilleux. C'est clair qu'on va recommencer ce genre de petit drink-là. Et si vous êtes du style à vouloir aller faire de la randonnée pédestre ou de la course en sentier, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'amener justement ce petit breuvage chaud-là dans un thermos. C'est encore plus fun si tu peux, par exemple, à un certain moment pendant ta randonnée, t'asseoir quelque part sur un banc et déguster quelques gorgées de ce fameux cocktail délectable. Délicieux. Qui est chaud. Donc, j'ai d'autres alternatives aussi tout à l'heure, vous allez voir. Ah, tu vas continuer tantôt. Ben oui, tout à fait. Là, je me suis dit, j'ai fait les activités. Bonne idée. Je vous fais ça en découpage aujourd'hui. C'est ça, pour me remplacer pendant exactement. Les spots où je viens de faire un petit 15 minutes. Oui. On va l'écouter. Une petite chanson que Mathieu va nous choisir. Puis par la suite, on va revenir. Génial. On aime ça. Ben oui. Alors, on va écouter du Papa Groove dont on a parlé tantôt. Certainement. Que David Ferron nous a fait découvrir hier. Donc, sur l'album The Hunt, disponible depuis le 6 octobre, voici Dancing Dynamite tout de suite à Assemblage Rocky. Bulletproof. Papa Groove et Dancing the Nights. Ah, oh, c'est bon. Mais ça, excellent. On vous l'a dit ce matin, on vous offre plus de musique. Oui. Pour cette dernière journée en direct, voilà, avec vous. Donc, on fait un petit spécial aujourd'hui. La version week-end va être particulièrement le fun parce qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de moi qui parle comme ça. En avoir moins. C'est ça, tu vas voir genre la descente de la voix de Mathieu Plante en cours demain matin. Ça va être malade. Mais bref, continuons de jaser comme on faisait tantôt sur l'automne. Oui, tout à fait, parce que je vous ai parlé d'activité tout à l'heure. C'est maintenant le temps de parler un petit peu gourmand. On y va aux côtés du ventre cette fois-ci. Il y a des desserts à l'automne où c'est tout le temps le fun de pouvoir les manger. Donc aujourd'hui, je vous partage certaines recettes. C'est l'automne, le rouge, l'orange, le jaune, ça s'étend un petit peu dans le ciel comme dans les arbres. Et on vous propose en fait trois desserts aux couleurs automnales qui vont vous sucrer le bec. Donc sachez-le, si vous n'êtes pas du style à avoir la dent sucrée, probablement que l'automne, c'est pas tant votre idée non plus. Mais sachez-le, des petits muffins faits maison aux épices, parfois c'est pas sucré et c'est excellent. Oh. Donc, si vous les préparez en popote avec des amis ou tout simplement comme récompense personnelle après vous être entraîné pendant 3 heures de temps, c'est votre choix. Mais ces desserts-là, c'est sûr et certain que ça va vous réchauffer l'âme et le cœur lorsque vous allez décider de les réchauffer et de les manger, sachez-le. Mmh. Le premier, c'est un classique, je dois l'avouer. Moi, j'adore ce genre de gâteau-là, surtout celui que mon parrain fait, ou du moins faisait dans le temps, c'est un gâteau aux carottes. Dans le temps qu'il n'était pas mort, genre, c'est non, mais il n'y en fait plus beaucoup, en fait, du gâteau aux carottes. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, à chaque année à Noël, soit il amenait un gâteau au fromage ou soit il amenait un gâteau aux carottes. Et oh mon Dieu, son gâteau aux carottes, c'était bon. Donc bon. Et du glaçage. Un gâteau aux carottes sans glaçage, ce n'est pas un gâteau aux carottes, Mathieu. Donc évidemment, gâteau aux carottes, ça rime avec orange. Orange rime avec automne. On le sait, on n'a pas le choix, il faut manger ça pendant le mois d'octobre. Alors c'est de coutume, en fait, quasiment au Québec, de cuisiner cette recette de famille seulement l'automne. C'est rare qu'on va voir des gâteaux aux carottes en plein été, à moins que vous alliez au Café Morgane, par exemple. Ou à la cafétéria. Donc, c'est comme un petit peu la seule saison si on peut rendre hommage à ce superbe gâteau qui goûte tellement bon. Je pense que j'ai faim ce matin. Ouais. Donc, la recette est bien simple. Le secret de la réussite réside dans le glaçage, Mathieu. Je pense que tout réside, en fait, dans le fromage qu'on va utiliser pour le glaçage. Parce que, bien évidemment, peut-être que vous le savez pas, mais le glaçage d'un gâteau aux carottes, c'est au fromage. Ça paraît pas. Hein. Ça paraît pas parce que, bon, évidemment, ça devient un glaçage, tu le goûtes plus ou moins. Mais pour ceux qui sont adeptes des gâteaux carottes, tu te rends compte fort rapidement de l'état du glaçage. Ouais. Tu deviens comme un expert en glaçage au fromage. Tu juges ton gâteau en fonction du glaçage qu'il y a sur le top. Donc, le croustillant des noisettes, ça vient aussi rentrer dans les prérequis d'un bon gâteau aux carottes. Et la douceur, évidemment, de tout ce qui va se lier à l'intérieur et la saveur des carottes. On parle d'un gâteau aux carottes. On veut, à un certain point, la goûter, cette petite carotte-là, accompagnée de cannelle et tout ça. Donc, vous allez devoir préchauffer le four à 350 Fahrenheit, sachez-le. Et dans un grand bol, vous allez mélanger 2 tasses de farine, 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Comme je le disais tout à l'heure, ça prend de la cannelle. Donc, 1 demi-cuillère à thé de cannelle moulue, 1 demi-cuillère à thé de muscade moulue, 1 cuillère et 1 demi à soupe de poudre à pâte. Vous allez prendre 3 tasses de carottes pelées et râpées. Oui, donc sachez-le. Râpées finement. Oui, on veut des vraies carottes, là. Donnez-nous pas de la purée de carottes. Non, c'est pas comme ça qu'on veut ça. On veut que vous fassiez vraiment là, à la main. Par la suite, vous allez prendre 3/4 tasse de noix de Grenoble. C'est le genre de noix qu'on retrouve à l'intérieur d'un gâteau aux carottes. Certains vont utiliser aussi les graines de tournesol. Ah. Sachez-le, vous pouvez faire moitié-moitié si ça vous intéresse. Par la suite, vous allez utiliser 1 demi-tasse de raisin parce que oui, les raisins secs à l'intérieur d'un gâteau aux carottes, c'est nécessaire. Par la suite, vous allez utiliser 1 tasse et 3/4 de cassonade. Bien évidemment, ça prend de l'huile d'olive, du jus d'orange, je ne sais pas si tu savais, mais il y a du jus d'orange, et ça va vous prendre des œufs. Certains, et là, je crois que j'ai mis la main sur... Le secret. Certains vont y ajouter une petite goutte d'alcool. Quelle sorte d'alcool? Bien, certains vont utiliser du Grand Marnier. Oh, wow. Certains, j'ai déjà vu un gâteau aux carottes au Belay's. Oh, mien. Donc, tu sais, quelque chose pour donner un petit kick à ton gâteau aux carottes. As-tu goûté au Belay's à Citrouille? Ben non, je suis en octobre, Mathieu. J'attends de l'ouvrir. Je me contente de café ou de chai latte présentement à la Citrouille. Donc, vous allez verser tout ça dans un moule à gâteau. Bien évidemment, vous allez le beurrer préalablement et vous allez cuire au four pendant une heure et par la suite. Le temps de repos est la clé, mesdames, messieurs. Vous allez reposer ça pendant 3 heures avant de sortir du moule. Parce que vous voulez bien évidemment que tout ça reste ensemble. Vous voulez pas que ça s'écroule. Un gâteau aux carottes, on va s'entendre, ça s'écroule assez rapidement. Donc, vous devez reposer ça pendant longtemps pour que ça puisse rester ensemble. Pour le crémage, cette fois, rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, la petite touche d'alcool, si jamais ça vous intéresse. Vous allez avoir besoin de fromage à la crème fondue. Donc, 125 grammes plus précisément. On n'est pas en train de dire que c'est une recette santé, OK? On s'en rappelle. Par la suite, vous allez utiliser une cuillère à soupe de beurre fondu. Pour certains, j'imagine que vous pouvez faire une alternance avec l'huile de coco si vous voulez quelque chose de semi plus santé, quoique là, on a su récemment que c'est ça, c'est pas tant mieux. Et vous allez utiliser une tasse et demie de sucre à glacer. Donc oui, c'est, on le disait. Beaucoup de sucre. Hein? Beaucoup de sucre. Mais... tout réside dans le secret du glaçage. Par la suite, vous allez étendre ce fameux mélange-là sur le dessus du gâteau et une fois sorti du moule, vous allez laisser couler ce petit glaçage et par la suite, vous allez tout simplement déguster. Enjoy. Que ce soit tout seul ou que ce soit entre amis que ce soit en famille, hey, tu l'as fait. Gâteau. Mange-les tout seul si tu veux. T'as le droit. Il y en a des gens qui sont célibataires et vivent en appartement et qui n'ont pas besoin de partager leur bouffe. Une petite crème glacée vanille à côté. Tout à fait. Vous pouvez faire ça aussi. Par la suite, Mathieu, breuvage, oui. Mais qui peut s'avérer être un dessert. Okay. Un chocolat chaud aux épices d'automne. Ah. C'est la première fois dont j'en entends parler. J'ai bien évidemment entendu parler du fameux café, citrouille et tout ça. Mais si on parle de gingembre, paprika et cannelle, c'est pas mal le style d'épices aussi qu'on retrouve dans plusieurs recettes durant le temps de l'année, que c'est orange et rouge et jaune un petit peu partout. Donc, les épices idéales pour un chocolat chaud épicé réussi, c'est ceux-là. Je parle bien de gingembre, encore une fois, de paprika et de cannelle. Donc, ça va être fait à la base de lait d'amande. Vous allez utiliser pas du lait 2%, là, du beau gros lait. Non. On y va vraiment avec du lait d'amande ou du lait de coco noir biologique. Ah, oh, j'ai entendu ça. Ça peut être un petit peu plus difficile à trouver. Noir? Oui. Oui, ça existe. Eh ben. De cacao. J'ai dit coco, hein, excusez-moi, mais c'est cacao. Okay. Là, ça a du sens. Donc, du lait de cacao noir biologique. Et c'est un chocolat chaud qui va être très décadent, sachez-le. Mais c'est parfait pour justement déguster en dessert. Vous allez prendre ça, vous allez le prendre pendant longtemps et vous n'allez pas avoir besoin de manger votre gâteau aux carottes, OK? On se comprend. Vous pouvez soit le prendre en fin de journée devant un feu de foyer ou en écoutant un petit Netflix and chill, Belle TV Fibre sur la chaîne foyer. Là. Exactement. Ça fait la job. Donc, vous allez verser, en fait, une cuillère à soupe et demie de cacao noir à l'intérieur de tout ça. Vous allez prendre une cuillère à soupe de cannelle. Ça vous prend de la vanille. Sachez-le, ou un extrait de vanille. Donc, une cuillère à thé de vanille. Quoi? T'as pas arrêté pour dire qu'on écoute un extrait de vanille, je suis déçue. Ah, je m'excuse. On écoute un extrait de vanille? Bon. Voilà. Merci. Par la suite, une cuillère à thé de gingembre en poudre. On écoute le gingembre en poudre. C'était pas un extrait, ça marche pas. Oh, excusez. Par la suite, une cuillère à thé de paprika en poudre et une pincée de piment fort. Oui. Si jamais ça vous intéresse, là, on parle pas de jalapeno, là, sachez-le. Il y a des flocons, par exemple, qui existent de piment fort. Vous pouvez tout simplement utiliser une pincée de ça. Vous allez mélanger le tout, vous allez verser ça dans une casserole, vous allez le faire chauffer. On veut pas que ça bouille, OK? Juste avant. C'est ça. Okay. Il faut pas que ça bouille. Il faut juste que ça devienne chaud, sachez-le. Vous allez mélanger tout ça, vous allez verser dans une tasse et bien évidemment, si jamais vous vous sentez funky, là, Vous pouvez ajouter de la crème fouettée dessus pour assurer votre cœur de lâcher à un moment donné pendant la soirée. Donc, vous allez déguster et vous allez laisser les odeurs du mélange d'épices vous envahir. Et si vous êtes chanceux comme ça et que vous avez un petit foyer en dessous de votre télévision, bien, vous faites simplement joindre le bonheur à l'agréable, c'est-à-dire écouter un petit Netflix. On a dit de ne pas mettre la télé en haut du foyer. Oui, hier. Non, c'est vrai. Votre foyer est un petit peu plus lourd. À gauche, à droite. C'est ça, exactement. Mais vous pouvez partir votre foyer et tout simplement avoir une doudou, des grosses pantoufles, puis vous regardez une couple d'émissions de Netflix. J'ai de quoi pour vous tantôt, vous allez voir. C'est marathon d'occupation double. Boy, OK. Ah ouais. Je pensais pas à ça, non. Mais si tu veux, tu peux faire non, ça. Non, je veux pas. L'autre, malheureusement, je pourrais pas le tester moi-même, hein? Mais si jamais ça t'intéresse, Mathieu, je pense qu'un des grands classiques de l'automne, c'est aussi la croustade aux pommes. Ah, c'est vrai, t'es allergique aux pommes. Mais oui. Ouais. Donc, pour ceux qui sont allés aux pommes, hein, on se rappelle, tout à l'heure, dans les activités, vous avez traîné votre chum là-bas. T'es pas allé aux pommes, ça veut dire. Votre neveu ou votre nièce, ou peu importe, pour prendre des photos au Facebook. Non, je suis pas allée aux pommes. Je vais pas aux pommes depuis de nombreuses années. Ouais. Donc, vous savez pas trop quoi faire de votre surplus de pommes. Vous êtes tanné de manger de la compote de pommes. Bien, j'ai une alternative pour vous. Voici la parfaite recette de croustade aux pommes. Vous allez pouvoir la déguster lorsqu'elle est encore chaude. Et souvent, c'est ça qu'on veut. On veut terminer une recette et ne pas avoir à attendre. On se rappelle tantôt le gâteau aux carottes, là. Faut que tu le laisses reposer 3 heures. C'est plate, c'est un petit peu aguicheur qui soit sur le comptoir comme ça, puis qui t'attendent, puis qui te regardent, puis qui crient. Tu peux pas manger. Tandis que la croustade aux pommes, complètement différent. Du moment qu'elle sort du four, tu peux te lancer dedans si tu veux. Vous devez encore une fois préchauffer votre four à 350 Fahrenheit, sachez-le. Et dans un bol, vous allez mélanger 2 tasses de pommes coupées en dés. Donc, c'est à votre guise si vous voulez les peler ou non. Mais si vous avez quelqu'un d'allergique aux pesticides dans votre famille, exact. Pelez-les, s'il vous plaît. Vous allez prendre 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Parce que oui, l'automne, c'est aussi signe de sirop d'érable partout. 1 cuillère à soupe de confiture de votre choix. Donc, pour certains, si, tu sais, de la marmelade, ça peut très bien se mélanger à une croustade. Si vous êtes du style à aimer l'orange, déjà à la base, une confiture d'orange, ça peut être avec quelques épices. Donc, ça pourrait très bien se mélanger. Dans un autre bol, vous allez mélanger un œuf. Un gros splouche de sirop d'érable. C'est de même, vous allez le calculer. Okay? Au goût, ça veut dire, j'entends mais vraiment c'est beaucoup. C'est ça, exactement. Vous y allez selon votre dose de splouche. Par la suite, vous allez prendre 1 tasse de flocons d'avoine. Ça prend ça, pas le choix pour faire une croustade. 3/4 de tasse de farine. 2 pincées de poudre à pâte. 1 cuillère à soupe de beurre fondu. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est peut-être pas bon pour les artères, mais c'est bon au goût. Un quart de tasse de noix de Grenoble concassée. Donc, vous allez sortir vos muscles, vos mucs, et vous allez concasser ça. On écoute les noix de Grenoble qui se font concasser. C'est ça. J'ai pas d'extrait, malheureusement. Tu te reprends, hein? Exactement. Et vous allez prendre aussi 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc, tout à l'heure, on parlait du beurre qui peut être remplacé par l'huile de coco. Là, ici, cette fois, vous avez besoin des deux. Et par la suite, vous allez utiliser 1 cuillère à thé de vanille. Sachez qu'au goût, vous pouvez ajouter des épices d'automne si jamais ça vous intéresse. Les mêmes gingembre que tantôt. Exactement. Si vous voulez que votre croustade ait un petit kick, paprika, gingembre, cannelle, c'est vraiment à votre guise, muscade de ce côté-là. Et vous allez recouvrir de papier parchemin un bol qui va au four et vous allez verser dans l'ordre qui suit. Oh. Attention, c'est important. Et là, tu vas être fit, tu vas mettre tout ça sur les notes de l'émission. Hein? Certainement. Oui. Vous allez mettre la moitié de la préparation de la croustade. La moitié. Par la suite, la préparation de la garniture aux pommes et l'autre moitié de la préparation de la croustade. On veut que ça fasse un steak bledin de patates. OK? On a compris. Vous allez enfourner ça pendant 30 minutes. On l'utilise rarement, ce mot-là, hein, enfourner. Non, surtout dans ces jours-ci. Ouais. Puis, comme on le disait tout à l'heure, du moment que ça va sortir du four, bien déguster. Ben oui. Lancez-vous dedans. Ou vous faites simplement aussi déguster avec une petite crème glacée au butterscotch. Eh boy. Hein? Eh boy. C'est pas merveilleux tout ça? On adore ça. Aïe. Et comme je vous le disais, ben, celle-là, malheureusement, moi, je peux pas la tester. Non. Testez-la pour moi. Est-ce que tu peux échanger les pommes pour d'autres choses? Peut-être. Probablement des pêches, des oranges. Non, des oranges, ça serait très, très juteux. Des pêches, c'est une bonne idée, je pense. Ouais, des pêches. Croustade à la fraise, ça se fait aussi. Ouais. Ma mère faisait ça dans le temps. Du pudding au chômeur aussi, ça sonne pas mal automne, sachez-le. Ouais. Ça sonne hiver aussi. Tu sais, si vous êtes rendu un petit peu plus en novembre, là, puis que vous avez attrapé cette chronique-là, je sais pas comment. En balado, quelque chose. C'est ça. Vous pouvez tout simplement le faire, mais en version un petit peu plus hivernale. Absolument. C'est à votre guise. Vous pouvez peut-être aussi ajouter un petit peu de purée de citrouille. Ah, être ambitionnel. Je suis ça comme ça. Mais j'en mange pas, fait que faites-en votre propre idée. Allez retrouver les liens vers ces recettes-là dans quelques secondes sur les notes de l'émission 1143 sur assemblagerequis.com. Merci, Tania. Tout à fait. Mathieu, on s'en va en pause et au retour, là, je viens de parler de bouffe, mais je sais que je suis en octobre, mais le reste de la planète ne l'est peut-être pas. Alors, je vous parle d'alcool. Aïe, aïe. Ouais. Gâte. Je suis en surprise ce matin. Vous êtes assemblagerequis. Assemblage requis, l'émission en pièces détachées, accompagnée de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. On parle pas mal d'automne, Mathieu, durant les dernières minutes de cette émission, considérant le fait que tu peux pas vraiment parler. Je peux essayer. Alors, j'ai pris monopole des ondes quasiment. Merci. Je vais faire ma part en quelques secondes, une plus minuscule chronique. Tout à fait, mais avant ça, Ah oui, on écoute une pièce ben de El Motor, un classique de ces fous. Voici Vive l'automne. L'hymne national de Tania ce matin. Ok, oui. Collée sur la la morve sur le bord du nez. Vive l'automne, elle motard. Donc, vous êtes à Assemblage Requis et c'est à mon tour maintenant de faire juste ma part comme le stream minimum de ce que je peux être capable de faire en ce jeudi matin. Voici une autre chronique de Son foutu palmarès. La seule raison pour laquelle j'ai remis l'intro, c'est que ça nous fait gagner 45 secondes. deuxième liste pour aujourd'hui dans Son foutu palmarès. On a une thématique chips aujourd'hui. Et mon deuxième bloc porte sur les Pringles. Ouh. Hein, des collations qu'on aime depuis 4 décennies, en fait. Les Pringles sont vendus dans plus de 140 pays. Et la marque n'a vraiment pas l'air de vouloir arrêter. Tout le monde reconnaît sa forme, tout le monde connaît sa saveur de chaque chip. En fait, peu importe la saveur qu'il y a dessus, on goûte tout le temps le fond de Pringles en arrière. Mais donc, voici quelques trucs que vous ne savez peut-être pas. Pour commencer, la machine qui fabrique ces croustilles-là a été développée par un auteur de livres fantastiques. Ouais, après avoir servi comme ingénieur de combat dans la guerre coréenne, Gene Wolfe a étudié l'ingénierie à l'université de Houston. Et éventuellement, s'est trouvé un emploi chez Procter & Gamble où il a aidé à développer la machine utilisée pour faire des Pringles. Souvent, il est crédité comme étant l'inventeur. Wolf a clarifié ça plus tard en disant qu'il l'avait développé, pas inventé. C'était inventé par quelqu'un d'autre. Lui, l'a amélioré, l'a développé, l'a mis dans la réalité. Wolf a écrit plusieurs livres de science-fiction, entre autres... ça dit pas lequel, mais des livres de fiction. Ensuite, l'inventeur de la canne aimait vraiment une certaine cause. Lorsque Procter & Gamble avait besoin de créer un emballage pour ses croustilles empilées en 1966, le chimiste et technicien en gardage de nourriture, en food storage. Oui. Parce que tu dirais ça, food storage. En stockage. Ouais, c'est bon ça. Frederick J. Bauer a rêvé donc du grand cylindre des Pringles. Il y a un certain point dans les années 80, Bauer a dit à sa famille qu'il voulait littéralement être enterré dans son invention. La famille, au début, riait. Lorsque Bauer est mort, ses enfants sont arrêtés chez Walgreens, c'est une pharmacie, en s'en allant vers la maison funéraire. Et ils ont vraiment acheté des Pringles pour vraiment mettre leur père dedans. Wow. Et il fallait qu'ils utilisent la saveur originale. Mais oui, ils se sont posé la question, est-ce qu'on prend l'original ou pas? C'est sûr. La marque a été nommée en l'honneur d'une rue. Okay. Procter & Gamble avait besoin d'un nom pour ses nouveaux produits et la compagnie voulait que ça commence avec la même lettre que le nom de Procter dans Procter & Gamble. Mm-hmm. Donc, selon la légende et selon la page Facebook de la marque, un gérant, des gérants, ont sorti un annuaire de la ville de Cincinnati. Ils ont regardé toutes les rues qui commençaient par P. Il y avait Pringle Drive qui sonnait très bien et c'est ça qu'ils ont choisi. D'autres sources suggèrent que le nom est un hommage à Mark Pringle, un homme qui a co-breveté l'appareil pour les patates dont on parlait tantôt en 1942. Le nom était un petit peu plus long par le passé. Je savais pas. Ouais, les Pringles à l'époque s'appelaient Pringles Newfangled Potato Chips. Donc Pringles, croustilles nouveau genre, si on veut. Donc les publicités des années 70 expliquaient pourquoi c'était aussi nouveau. En fait, ils disaient que tout était nouveau. C'est comme le nouveau rouge. C'est des croustilles. Elles sont juste un petit peu différentes. C'est ça. Elles sont fraîches, disent-ils, et elles ne sont pas cassées. C'est ça la différence avec les chips qu'on a habituellement. Elles sont fraîches et elles restent fraîches même après l'ouverture. Et ça peut entrer dans une armoire sans avoir à les crapouter un petit peu sur la verticale. La mascotte, le monsieur sur la boîte de Pringles, a un nom. Ouais, il a reçu quelques changements cosmétiques à travers le temps. Le monsieur a moustache sur le tube de Pringles depuis le début. Il est là depuis le tout début. Donc, si vous voulez vraiment l'appeler par son nom formel, il s'appelle Julius Pringle. Oh, quel beau nom, j'aime ça, ouais. Julius. Je crois que c'est un jour, j'ai des enfants. Si j'ai la chance d'avoir des enfants un jour. Je vais l'appeler Julius, juste à cause de toi. Ouais, peut-être. Hein, c'est Julius Pringle est Orange Julius, là, le célèbre genre de petit smoothie à l'orange. Vrai. C'est bon, ça. Il y a une croustille de cachet dans le logo. Hein? Où ça? Hein? Certaines versions des cannes de Pringles ont un point normal au-dessus du i, alors que d'autres ont un point sur le i en forme de croustille. Ah ben, Moses! Et c'est un peu comme la même forme que la moustache de Julius Pringles. T'as raison. Ouais. Les Pringles sont partout dans le monde maintenant. Les Pringles sont fabriqués dans une usine dans le Tennessee, mais la marque est très, très globale. Depuis qu'ils ont acheté Pringles en 2012 de la part de Procter & Gamble Company, la compagnie Kellogg's, qui est maintenant le propriétaire, a vu les ventes augmenter de 4,8 milliards en 2011 à 6,5 milliards en 2014. Plus de deux tiers des Pringles sont vendus à l'extérieur de l'Amérique du Nord, selon Chris Hood de Kellogg Europe, et c'est constant comme ça n'arrête pas de monter. Avec raison, c'est super. Mais oui, c'est ça. J'ai mangé hier des Pringles comme sur oignon, c'est génial. Quel beau moment. Il y a plus d'une centaine de saveurs de Pringles, on les voit pas toutes en magasin. Il y a environ, donc, 20, on dit aux États-Unis, il y en a 29. Probablement qu'au Québec et au Canada, c'est un petit peu la même chose. 29 saveurs, environ une trentaine, sans compter les éditions spéciales, les éditions limitées. Le reste du monde, par contre, a tout un autre spectrum de Pringles. Donc, t'as Pringles aux ailes de poulet grillées, style Bangkok. Mm-hmm. T'as bleuet et noisette, porc braisé à s'en lécher les doigts, patate et mayonnaise, avoue comme des frites mayonnaise, c'est pas bon, et prawn cocktail, donc encore une fois des fruits de mer, et aussi j'ai vu crevettes grillées, j'ai vu aux algues, et plein d'autres saveurs comme ça. Ensuite, Brad Pitt. Oui, c'est Brad. C'est Brad a déjà été dans une publicité Pringles. Non. Je te jure, avant d'être une vedette de la liste, de la A-list. Ouais, c'est ça. Pitt a dû travailler fort quand même dans des choses qu'il voulait pas nécessairement faire, dont une publicité Pringles, où il apparaît bien sûr sans son chandail. Mais oui, évidemment. Et voilà, donc c'est Once You Pop. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Sinon, tapez sur YouTube Brad Pitt Pringles, ça sort en premier. Mais en regardant la pub, tu comprends quand même pourquoi il s'est rendu sur la A-list, hein? Oui, ben c'est ça. C'est pas un pichou. La marque, ben ça, on l'a déjà dit tantôt, on va sauter par-dessus le fait que ça s'appelle pas toujours des chips. C'est un outil diversifié pour la cuisine. Exactement comme les cornflakes, ça peut faire de la panure pour du poulet. Oui, ouais. Ben oui. Les foodies utilisent des Pringles pour donner à leur volaille un petit croustillant de plus. La collation peut aussi être utilisée pour garnir du mari-mari et comme sur du riz aussi. Des Pringles émettés sur du riz, apparemment que c'est très bon. Et finalement, tu peux faire cuire une saucisse hot dog dans une canne de Pringles. Ah ouais? Ouais, si t'as envie d'un bon vieux hot dog, mais que t'as seulement le soleil devant toi, ben tu pourrais te prendre une canne de Pringles et un bâton. Et puis on change la canne en un mini four solaire en utilisant l'aluminium à l'intérieur du tube pour faire cuire ces saucisses. Donc vous pouvez aussi fabriquer un haut-parleur pour votre téléphone avec une canne de Pringles et vous faire bien sûr un party de Pringles avec des chips dans une bonne. Voilà, c'est tout pour cette chronique de son foutu palmarès. On aime ça. Avec un son particulièrement désagréable. Voilà, on retourne en musique avant de passer à une autre petite section automnale de ta part, je crois bien. Hein? Oui, oui, oui, oui, j'ai encore du stock pour vous. Ben, c'est fantastique. Ne vous inquiétez pas. C'est fantastique. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Canaille. C'est une nouvelle entrée, encore une fois, de la semaine prochaine. On brûle à l'avant-garde même des palmarès de la semaine prochaine en faisant entendre ça. Donc voici Canaille et je suis brûlé. 3, 4! fin pisson, qui sec, coudon, coude à côté, qu'est-ce qu'on fait donc? À kiki des canettes, à kimono, se batte à coups de bâton, batte à kilos, air, cabanet dans la salon, quel arrêton, la face à reculons, s'assoit dans nos fitons, puis putain, des pitons, Pokémon, puzzle, Pokémon, nos souvenirs, des cassettes, de souvenirs, nos souvenirs, qu'on soit du pigé, des manettes, y est du tôt, y est du tard, ce qu'on te corbillard, pour décoller du vélo! Et je suis brûlé à Assemblage Requis à 8h22 en ce jeudi matin. On parle toujours d'automne avec Tania. Clairement, oui, tout à fait. Je me demande en fait si je vous parle. Ouais. On a le temps pour dit, tout ça. Ouais, j'ai dit que j'allais parler d'alcool. Ouais. C'est maintenant le temps. En fait, j'ai 4 alcools à la citrouille pour l'automne à vous suggérer directement pour vous dans vos oreilles. Donc, en fait, on. Le mode automnal, ça va un petit peu partout. Ça va jusque dans l'assiette. On a parlé de recettes tout à l'heure. Ça va dans les activités. Mais il y a une bonne nouvelle pour ceux qui peuvent boire de l'alcool durant le mois d'octobre. Eh bien, peuvent ou veulent, ça dépend. Il y a également plusieurs bières et alcools à saveur de citrouille qui vont être parfaits ou parfaites. Oui, tout dépend. Pour vos soirées à thématique Halloween ou tout simplement pour siroter, encore une fois, sur le bord de votre petit foyer en regardant HD, Netflix. La TV, exactement. C'est ça. Ouais. Donc, on vous présente en fait 4 alcools qui sont disponibles à la SAQ, sachez-le, ou dans les épiceries ou dans les dépanneurs. Donc, la première, c'est une bière de Saint-Ambroise qui est à saveur de citrouille. Donc, chaque année, en fait, à l'arrivée de l'automne, c'est souligné par le retour de la grande bière. Ça arrive seulement à l'automne, sachez-le, c'est pas disponible pour le restant de l'année. C'est une bière, comme je le disais, de Saint-Ambroise, la brasserie McCausland. Et on a des saveurs légèrement sucrées, mais aussi épicées. C'est une bière blonde à la citrouille qui se laisse apprécier, comme je le disais tout à l'heure, autant au coin d'un feu par un bel après-midi ensoleillé d'automne. Donc, c'est votre choix. Soit en raclant les feuilles, vous faites la boire, ou le soir sur le bord du feu. Par la suite, il y a une Pale Ale citrouille des Brasseurs du Monde. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est très, très cute en passant comme... comme étiquette. Ouais. C'est 100% vrai fruit. Donc, je savais pas qu'il y avait des fruits dans la citrouille ou que la citrouille est un fruit. Non, je savais pas. Une autre bière à la citrouille qui est très appréciée, c'est justement la Pale Ale citrouille des Brasseurs du Monde. C'est fait avec de la vraie citrouille, donc vous allez vraiment retrouver là, les effluves, ouais. C'est ça. Elle présente aussi des notes très épicées d'agrumes et de clous de girofle. Donc, si vous appréciez un petit côté acidulé dans tout ça, bien probablement que celle-là, elle va vous plaire, peut-être plus que la Saint-Ambroise. Je me souviens que j'ai déjà goûté de la Saint-Ambroise à la framboise. Ouais. J'ai pas goûté celle à la citrouille, mais j'avais eu un petit peu plus de difficulté avec celle de la framboise, donc peut-être est-ce que celle à la citrouille, elle va être peut-être moins acidulée que celle-ci. C'est vraiment à vous de voir et de m'en donner des nouvelles, considérant le fait que je ne boirai pas. par la suite... Il y en a qui aiment pas la bière. Il y en a à qui la bière ne fait pas. Ouais, mettons leur ventre, la digestion, ça marche pas. Hein, Mathieu? Alors, j'ai une petite idée pour toi. Peut-être une alternative qui va s'avérer être un petit peu plus forte, un petit peu plus corsée en bouche aussi. On parle d'un whisky épicé à la citrouille. Oh, c'est pas mauvais Spice ça, ça. Box. Donc, c'est une liqueur, bien évidemment. C'est un produit du Canada, sachez-le. C'est canadien. Donc, c'est à la citrouille épicée avec des notes de vanille, des notes de muscade aussi. aussi. Et ça serait parfait pour réaliser des cocktails à saveur automnale. Ouais. Donc, ou sur glace même. Oui, tout à fait. Ça se laisse également justement apprécier sur seul, servi sur glace, comme tu le disais. Donc, vous pouvez encore une fois le siroter au coin du feu ou encore au retour d'une longue promenade. Tout à l'heure, on parlait des fameuses randonnées pédestres, des courses en sentier. Si vous avez été cueillir des citrouilles, bien peut-être est-ce que vous aimeriez apprécier le fait que vous avez cueilli des citrouilles toute la journée. Petite soirée fraîche d'automne, ça va vous réchauffer, sachez-le. Ouais. Prenez pas ça si vous avez déjà très très chaud. T'sais, c'est du whisky, hein, ça rentre dedans. Est-ce que du whisky, ça se mélange avec d'autres choses? Est-ce que tu préfères un chocolat chaud avec du whisky dedans? Certainement. Ouais. J'imagine qu'il y a plusieurs recettes déjà sur Internet, si jamais ça vous intéresse. Pardon? Elle fait pas comme moi, elle commence pas. On a eu une petite peur ici. Mais à l'intérieur d'un café aussi, tu sais, parfois, bien. Se faire un petit café alcoolisé, c'est ça. Ça fait un petit boost. Si vous avez déjà dans l'idée de vous faire un petit café à la citrouille, bien, vous pouvez mettre un petit peu moins de purée de citrouille et ajouter juste un petit kick de whisky à la citrouille. Wow. Et déjà, en partant, si c'est sur le feu, bien, il y a pas mal de niveau d'alcool qui va être évaporé. Oui. Donc, vous allez retrouver les effluves, bien évidemment, du whisky à l'intérieur de votre café. Donc, ça peut être une alternative qui est très, très bonne. Par la suite, t'en as parlé tout à l'heure, c'est le fameux Baileys à la citrouille. Citrouille, pumpkin spice. Je pense que c'est la première édition, du moins moi je l'ai jamais vu. J'ai pas vu ça avant, non. Exactement, donc édition limitée. Et pour cette édition limitée-là, bien le Baileys remplace les notes chocolatées de sa célèbre crème irlandaise. Tu peux pas faire chocolat et citrouille. Ben tu peux faire le mix dans ton propre verre, écoute. mais on remplace ce côté-là chocolaté par les épices et la citrouille. Donc on va avoir des saveurs de cannelle, encore une fois, des saveurs de muscade. Et c'est un Baileys qui va être excellent pour se faire des lattés. Ah, ben oui. Des petits lattés festifs, là, des petits lattés coquins à la citrouille épicée. Mais ça va être aussi parfait en digestif. Si vous venez de manger là, votre fameuse croustade ou votre fameux gâteau aux carottes, ben un petit digestif, parfois, ça peut bien passer. Et la crème de menthe, c'est un peu platounet ces temps-ci. Alors, si on le sert simplement sur glace, ça peut servir de digestif. Ils savent ce qu'ils font en Baileys, parce qu'il y a juste... en tout cas, je l'ai seulement vu en grande bouteille. Ben oui. C'est quand même un 30$. Veux-tu t'acheter une petite bouteille de ça? En tout cas, j'ai essayé d'autres saveurs. C'était au biscuit, je pense, Baileys, au biscuit crème, quelque chose comme ça. Ça tapait sur le cœur assez vite. J'avais même une petite bouteille. C'est fort possible. J'imagine, en fait, que vu la popularité présentement de cette fameuse bouteille de Baileys-là à la SAQ et un petit peu partout, j'imagine que l'édition va revenir assez vite un classique, en fait, dans les prochaines années. On l'espère, du moins. Je suis comme un peu triste d'être en octobre parce que je pourrais pas y goûter. T'as peur, il va en avoir encore là, le 1er novembre. Ben j'espère. Je peux pas croire. J'espère. Oui. J'espère au moins pouvoir me faire un petit café en novembre avec. Je t'en apporterai sinon. Oh, yes! Un petit shooter de Baileys. Hey, commence pas à faire des jokes de shooter. Non. Hey, excusez. Ouh! Ah non, on rentre pas là-dedans. C'est hors de question. Rentre ça dans ta poche. C'est ça. J'ai d'autres idées d'automne pour vous, mais ça va venir un petit peu plus tard dans l'émission. Tu saupoudres ça comme de la muscade. C'est merveilleux. Tu fais bien ça, Tania. Maintenant, on va prendre une pause. Après ça, ça va être la fin. On va pouvoir arrêter de parler, nous deux, pour un petit moment. Parce que Catherine Langlois va être là pour parler de voyage. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, chère Catherine? Donne-nous un petit avant-goût de ça, s'il te plaît. On va parler encore d'un pays qui est... par contre, là, il est très, très connu, mais pas au niveau touristique. Même moi, j'ai été surprise par plusieurs faits. C'est un pays avec beaucoup de faits intéressants. Des petits punchs. Moi, j'adore ça, avoir découvert plein de choses sur cette destination-là. Wow! Ben, on retourne avec la chronique. J'adore ça. Tiens, on fait. Assemblage de guides. De retour dans l'émission Assemblage requis, 8h32, ce qui veut dire, Mathieu. Hein? Mathieu Plante, tu veux dire? Oui, que c'est tard qu'on arrête de parler, toi et moi. T'as raison, Tania Baudin. C'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. C'est bon d'accueillir notre chroniqueuse voyage. C'est Catherine Langlois. Est-ce que tu pourrais répéter ça, s'il vous plaît? C'est les aigus. J'ai vraiment besoin avec les aigus. Les graves, ça va très bien. Fais-le avec les graves. Je pourrais tout faire en grave. Mais où est-ce que je vois plus haut que ça? Ça commence à... Je comprends pas. Mon range vient de diminuer. C'est incroyable. Wow. Bref, on parle de voyage avec Catherine Langlois. Est-ce que tu as un titre de chronique? Elle a trouvé une chanson, mais pas de titre. Chaque chose en son temps. Chronique voyage. Voilà, chronique voyage. Oui. C'est déjà vendeur. Oui. Let's tell the world all the things we've done. Falling in love in the setting sun. I've got a song and a smile so bright. I'll make you wish you were here tonight. Alright! Hey! Wow! Ah, c'est excellent! Bon matin! Oui. Oui. Bonjour, Catherine Langlois. Bonjour! Salut! Bienvenue parmi nous pour une autre chronique voyage. Merci! Jusqu'à maintenant, on a fait des pays un petit peu plus obscurs. Rappelle-nous les pays que tu nous as présentés jusqu'à maintenant. Je vous ai présenté le Kyrgyzstan, la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Puis je pense que c'était les top 2. Après ça, j'avais parlé de... Écoute, j'ai parlé de l'Australie. On a parlé de quoi d'autre? Du Costa Rica aussi. Ouais. Mais ça, c'est plus classique. Là. On n'était pas dans ma thématique découverte de destination. Exactement. Peu connu. Donc aujourd'hui, tu nous as dit un petit pays quand même assez connu, mais pas touristiquement parlant, c'est ça? C'est ça, exactement. Tout le monde sait c'est où. Tout le monde sait c'est quoi. Par contre, pas au niveau touristique, j'ai l'impression. Les gens ne s'attardent pas à cet endroit-là. Donc, c'est le moment du dévoilement du pays. Attention. Le Groenland. Malade. Ouais. Excusez. j'ai vraiment eu l'air c'est cool. Fucking enthousiaste. Est-ce que c'est un pays, on a l'impression que c'est un pays froid? Oui. Oui. Froid, OK, cool. Oui, il y a un climat polaire là-bas. Oui. Ma mère, elle tripe sur l'hiver. Moi, si je partais en voyage avec ma mère, je pense que je l'amènerais là. Ouais, mais t'irais pas avec. Écoute, j'irais avec. Tout parce que ça se peut. Je sais pas à quel point ce que je vais dire va attirer des personnes et va en attirer moins. C'est vraiment... c'est quelque chose, le Groenland, quand même. OK, d'abord. La capitale, c'est Nuuk. Nuuk? Ah, ben oui, c'est sûr. Ah, oui. Ben oui. Fait frette dans le cou. Pas comme une nuque, là, pas dans le cou. Ah, okay. N-U-U-K. OK, justement, Nuuk. Ouais, c'est ça, j'ai pas la prononciation. Ou comme Kim Jong-un dirait des nukes pour les armes nucléaires. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être, je savais pas ce petit fait intéressant. Où est-ce que ça se trouve le Groenland pour ceux qui ne le savent pas? C'est au nord de l'Atlantique, donc pas compliqué, entre le Canada puis l'Europe. Ouais. C'est la deuxième plus grosse île au monde. Mm-hmm. La première, on se demande c'est quoi? La plus grosse île au monde, hein? Ouais. Est-ce que vous avez des guesses? Pas l'Australie. L'Australie, ouais. Oui! Ouais, bravo! Vous l'avez eu. J'étais pas changé haut en plus au secondaire. Moi aussi, carrément. le Groenland, ça appartient au royaume du Danemark. OK. Donc, on pense des fois que c'est comme rattaché au Canada, mais non. Ben oui. Donc, c'est avec l'Europe. La population totale, c'est assez drôle. Il y a 56 186 personnes. Oui, c'est pas dans tout le Groenland. Wow! Et là, je me suis dit, moi, j'ai besoin de référents dans la vie pour comprendre combien de personnes, c'est ça? 56 000. Dites-vous qu'à Blainville, il y a plus de personnes que dans tout le Groenland. Blainville. Et il y en a presque autant à Saint-Hyacinthe. OK, fait que tu vas là en retraite personnelle, mettons. Ouais. Tu vas pas là pour voir beaucoup de monde. Tu vas pas là pour veiller. Ben, ça dépend. Peut-être qu'ils sont bien solidaires dans les 56 000. Ouais, peut-être que ça fait fort. Hey, quand même, ça doit. Pour vrai, avec aussi peu de monde, tu vas tomber sur ton cousin assez souvent. Ben, peut-être. C'est écoute, ça. Shawinigan commence à concurrencer parce qu'ils ont 48 000 à Shawinigan. Ah, bon. Ça vous donne une idée, là. Pour un référent plus proche. Fait que Groenland, Blainville, même chose. Même combat. Exactement. Sauf sur l'étendue d'un pays. Donc, le climat, comme j'ai dit tantôt, c'est polaire. La moyenne à la capitale qu'on appelle le Nuuk. C'est moins 1 degré Celsius. Moins 1 en moyenne. Donc, ouais, des fois, la pas moyenne mal plus bas. À l'année. Ouais, ouais. Des fois, pas mal plus bas, des fois, pas mal plus haut. Ouais. Mais on parle de moins 1 là, à l'année. Il n'y a pas de moyenne qui monte au-dessus du zéro. Peu importe la ville où tu te trouves au Groenland, la moyenne est toujours dans le négatif. Ça, parce que c'est pas juste une ville. Là. C'est un pays. Fait qu'il y a plusieurs, j'imagine, c'est sous-divisions. Ça. Est-ce que des provinces, des États? En haut, en bas, au milieu. Je te dirais qu'il y a 10 villes. Ah bon, donc il y a quand même des villes, genre 50 000 ouais. personnes. Okay. Ben non, mais ouais. Une ville, ça leur tentait pas. Non. Ah, ils se sont éparpillés un petit peu. Mais il y a des moyennes de 6000 par là, 2000 par là. Ouais. Puis oui, c'est à peu près comme ça. Le coût, le coût de la vie doit être vraiment cher parce que tu dois faire importer des trucs de vraiment loin, non? Un peu comme dans les maritimes. Ben ça dépend. Ah oh. Ça dépend. On va s'en parler tantôt. Mais le Groenland, pour ceux qui ne savent pas, c'est 80% recouvert de glace. Donc c'est une masse de glace qui est sur le Groenland qui s'appelle un Nilanti. Un Nilanti. OK. Ouais. Okay. Ça, dans le fond, ben c'est ça, c'est une masse de glace. Puis, ceux qui ne savent pas, en dessous, ça a été découvert en 2012, c'est un grand canyon. Donc, oui. Dites-vous que 80% du Groenland est un canyon. Ouais, OK, finalement, j'amènerais peut-être pas ma mère. Un canyon de glace? Ben, il faut... Oui, c'est ça. C'est glacé, oui. C'est ça, là, il est glacé. Mais si on prévoit avec le réchauffement climatique, tout ça, ça pourrait devenir un... Ça peut bouillonner à un moment donné. Un canyon. Puis, bon, on le sait, il y a des icebergs qui se détachent de, de cette masse glaciaire-là. Et, fait intéressant, c'est un de ces icebergs-là qui s'est détaché du Groenland qui a heurté le Titanic. Ah, pour vrai? Oh. Ah. Ouais, en 1912. Ah, il doit s'en vouloir. Et le Groenland, c'est pour ça, hein, je pense qu'ils sont une destination un peu mal vue. Ils ont tué Leonardo DiCaprio. Exactement. Come on. Exactement. C'est un gros poids à porter, je pense. Oui. Oui. Puis en dehors de ce de cette grosse masse de glaciers là, ben qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est de la toundra. Ah, de la toundra, hein? Oui, voilà. Ah. Donc on peut savoir que dans la toundra, c'est pas là qu'il y a le plus de végétation non plus. Non, en effet. Alors soit t'as de la glace, soit t'as la toundra. C'est à ton choix. Voilà. Par contre, la glace, c'est super beau. Mmh, ben oui, vraiment, il y a des très très beaux glaciers. Il faut savoir ça. Quand est-ce qu'on part au Groenland si on a envie d'amener sa mère, justement? Est-ce qu'on choisit une période où il y a des meilleures températures? J'imagine qu'ils ont quand même un équivalent d'été qui est un été frisquet, pas mal. C'est ça. Moi, j'ai choisi quand il fait le plus chaud, hein, ouais. Parce qu'aller au Groenland à moins 40, peut-être pas. Ouais. Je me suis dit pour l'habillement et tout. Ça peut aller jusqu'à 5 degrés au mois de juillet, au mois d'août également. Puis des fois, on est chanceux au mois de juin. Ça, c'est au nord du Groenland. Donc, on va jusqu'à 5 degrés dans le maximum de chaleur. Puis là, si on descend dans le sud du Groenland, des fois, on peut avoir 20 degrés. Oh, okay. Mais ne vous attendez pas à avoir plus de 20 degrés Celsius au Groenland. C'est ça. C'est pas régulièrement, mais ça doit être non, c'est ça. C'est comme un record de chaleur. Wow. Et tu choisis d'éviter là, t'sais. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut aimer le zéro. Ouais. Mais ça froid. Oui, c'est ça. J'amènerai maman là. Ouais. À trip à zéro. Ouais, pour une vacance, bon, mais pas pour vivre là. Non, clairement. Puis, quelle langue qu'on parle au Groenland? Mmh. Oh, c'est la question qui tue, ça? Ouais. Je sais pas. Groenland? J'ai goût de dire l'anglais. Ouais, allons-y avec l'anglais. Oui et non. OK. L'anglais est enseigné depuis le primaire, comme nous ici, là, dans les écoles et tout. Par contre, la langue principale est le groenlandais. Arrête donc, ils ont leur propre langue. Mais oui. Ben, le 150 000, ils ont bien le droit. Ben oui, et le danois. Et le danois. OK. Parce que toi, j'allais dire tantôt genre quelque chose d'européen, genre... Oui. Ouais, parce que ça appartient quand même au royaume du Danemark. Ouais. Donc, groenlandais et danois sont les deux langues principales. Est-ce qu'ils ont un IKEA pour tout le pays? Ils n'ont pas d'IKEA. Et je me suis pas penchée là-dessus. C'est danois, mais IKEA? Bonne question. Ben, je pense que oui. Non, c'est pas suédois. Ah, c'est sûrement suédois. Oui, c'est suédois. Ouais, c'est suédois. Tu vois, j'avais dit européen. Voilà. Donc, si on parle anglais, on peut quand même parler avec les gens là-bas. Ouais. Pas comme mes autres destinations. Donc, déjà là, c'est un petit plus. Mm-hmm. Ensuite, bon, il y a des petits faits intéressants. Au niveau, on sait qu'il y a juste 56 000 personnes au Groenland, donc l'équivalent de Blainville. c'est le pays le moins densément peuplé au monde. Oh, wow. Donc, on parle de combien d'habitants au kilomètre carré? On parle de... C'est grand, le Groenland, t'as dit. Ouais, c'est oui, c'est très, très grand, là. C'est la deuxième plus grande île au monde. Au kilomètre carré, je vais dire 10. Non, ça, c'est vraiment généreux. C'est généreux? C'est très, très généreux. On n'atteint même pas le 1 habitant. Arrête On parle de 0,03 habitants au kilomètre carré. Wow, mais tu te sens vraiment chanceux. Tu te sens comme je suis même pas un habitant. C'est ça? Exactement, ouais. Donc, sur un kilomètre, t'as peut-être des chances de croiser une jambe, mettons. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais peut-être aller en Alaska à la place. Ouais. J'ai failli en parler en plus aujourd'hui de l'Alaska. Puis là, autre chose, moi, quand j'ai regardé dans la population, justement, du Groenland, tu sais, qui habite là, par nationalité? Ouais, c'est ça. Écoute, au troisième et quatrième rang de population par nationalité au Groenland, bizarrement, Ils viennent... beaucoup viennent de la Thaïlande et des Philippines. Ah! Ah. Je ne me serais pas attendu à ça du tout. Ils ont migré là-bas. Non, c'est ça. Donc, ben oui, oui, excusez-moi. Oui. Okay. Non, mais oui. Oui, exactement. Ils ont été On a des gens du Danemark et de la Suède, donc mm-hmm. des choses, que, ben, des pays qui sont plus proches, mais ouais. ensuite, des gens qui viennent de la Thaïlande puis des Philippines. Étrange. Mmh. Oui, très étrange. Souvent pour le travail, il y a sûrement beaucoup d'opportunités de travail qui doivent être payées super cher, j'imagine, c'est parce sûr. Que c'est peut-être. Tellement loin que... Peut-être, on est en retard, il n'y a pas de Canadiens, là. Non, pas de Canadiens du tout. Ben, même pas en, liste, en tout cas, c'est pas depuis 2012. C'est ça. Ah, OK. Pas dans le top. Puis là, au niveau de l'histoire, ben, le Groenland, hein, c'est quoi? C'est quoi son histoire à pourquoi ça à s'appelle cette Groenland? Hein? Ah, ça, j'ai pas la réponse. Ah, comment? La question, on va trouver ben, ça. C'est parce que, ouais, tu peux le chercher pendant ce temps-là. Ouais. En fait, les premiers habitants du Groenland, c'était qui? Les Vikings. Ben oui! Les fameux Vikings. Chalet. Ils se sont installés dans le sud du pays, mais ils ont disparu dans les années 1500. Non. Ils n'ont pas tout à fait longtemps. Non, dites-vous hein? qu'à travers toutes les années où ils ont été là, ils n'ont jamais été plus de 2000 Vikings. Oh! Ils n'ont pas réussi à... OK. À procréer assez. Ensuite, après les années 1500, ben, c'est les peuples Inuits qui sont arrivés sur le, ben, au Groenland jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont encore présents au Groenland. Super intéressant. Et il y a une culture aussi qui est très, très riche par rapport à ça, là, à ces pays-là. Je vais vous en parler dans quoi faire quand on y va. Ouais. Au niveau de l'hébergement. Est-ce que tu veux une réponse pour le Groenland, le nom? Oui, vas-y. Le Groenland a été baptisé ainsi pour attirer les colons entre le 8e et le 13e siècle. Oui, à la région... Pourquoi est-ce qu'on utilise encore les chiffres romains? La région subit une période de réchauffement connue des scientifiques sous l'appellation optimum médiéval. Ce phénomène faisant fondre la barrière de glace permet au drakkar du viking Éric le Rouge de découvrir cette île en 982. Il comprend l'intérêt stratégique du site pour servir de base relais aux futures expéditions d'exploration vers l'ouest et a fait de convaincre des familles de colons à venir s'installer sur ce sol inhospitalier. Il l'appelle Groenland, ce qui veut dire terre verte. En fait, au début, c'était Greenland. Ouais. Ce subterfuge permettra sans doute aux vikings d'atteindre l'Amérique plus de 5 siècles avant Christophe Colomb. C'est selon pourquoi.com. Waouh, c'est une bonne source. Je l'ai vu sur d'autres articles en anglais. J'ai cherché un article en français parce que c'était OK, t'as tout le temps de faire ça en 30 secondes. Ben oui, j'étais juste. On est des pros de la recherche. Waouh, ça m'impressionnera toujours. Merci. C'est comme ma voix. Charmant. Oui, pareil. Ouais, j'aimerais ça que t'ailles un peu dans le grave là. Ah ok, excuse-moi. Je vais continuer grave. Mamma mia. Au niveau de l'hébergement, si on veut y aller, oui. Combien ça coûte? Oh, ça jour. Doit être cher. Hein? Bon, c'est ça. Oui, cher. En hôtel, on s'entend, c'est autour de... Ben, il n'y a rien en bas de 200$ la nuit. Oh oui! Mais là, tu t'es pas rendu encore en avion, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a des auberges de jeunesse disponibles. Par contre, ils ne mettaient pas leur prix sur Internet. OK. Fait qu'il faut faire une demande, puis c'est ça. Bonjour. Souvent, quand les prix ne sont pas là, ouais. C'est que c'est cher. Ouais, c'est ben, ça. Quand même, hein, auberge de jeunesse, tu peux pas charger 100$ la nuit non plus, là. C'est le principe. Mais sinon, il y a beaucoup d'hébergements chez l'habitant. C'est très populaire au Groenland. Ah ouais. Donc là, on peut y mais faut que tu retrouves un. Puis ici, il y a des personnes qui tripent sur le camping arctique. Hein? Mm. Oui. Ça peut être super intéressant au Groenland. Donc, ça coûte pas cher. Tu amènes ta tente et ton matériel. Ouais. Donc, c'est sûr que si vous êtes intéressé à aller au Groenland, il faut contacter. Ouais. Parce que moi, juste comme ça, en recherche, je pouvais pas... Est-ce qu'une agence de voyage peut te booker un voyage au Groenland? Ben oui. Oui. Ben oui, oui, oui. Ça doit pas arriver souvent. Non, je dirais que ben, t'sais, le Groenland en tant que tel, comme je l'ai dit, c'est pas une destination ultra touristique. Oui. C'est ça. Mais fait que non, mais c'est un très beau challenge pour un conseiller en voyage. Quelqu'un qui arrive puis qui pose des questions sur le Groenland. Il donne un petit défi, là. Oui. Ça va faire sa journée. Oh oui. Ça va faire beaucoup de recherches, puis ça, c'est ça que les conseillers aiment, t'sais, apprendre plus sur le monde. Oui. La nourriture, hey, on mange quoi là-bas? Du poisson. Oui. Bon. Mais non. Mais... Ah, à chaque fois. À chaque fois, hein, il n'y a jamais un oui total de vous êtes tombé pile dessus. On parle davantage d'animaux marins, donc des baleines, des okay. phoques. Baleines. Des baleines. Des baleines. Des baleines. Des baleines. OK. Okay. baleines, phoques. Et j'ai trouvé le plat traditionnel du Groenland. Ah, oh. Okay. Ça s'appelle le matag. Matag, OK. Oui. Matag. Oui. Oui. Pas matag. Non, matag. Pas matan. Matin. C'est, on se demande c'est quoi, hein? Ouais. C'est de la peau de beluga ou de narval cru. Oh. Et ça, c'est le plat traditionnel. Nous, on a peut-être la poutine au Québec. Ouais. Cru. Ben, au Groenland, c'est tiens, prends un peu de beluga, de peau de beluga cru. C'est pas un peu caoutchouteux? J'imagine, j'ai pas goûté. Hey, ma voix commence à devenir la tienne. Ah là, là, ça fait trop. Tania a eu un petit sursaut tantôt de voix, puis là, c'est toi. Là. Hey, ça arrête ça pas, c'est pas contagieux. Et bon, au Groenland, on ne jette rien. OK. Donc, c'est beau, les petits bruits qu'on entend. Mon micro est fermé, on n'entend même pas. Je suis en train de me Non, j'ai stoulé maintenant. Ouais, t'es vraiment... Hey, pour ma vrai. Voix, oh mon Dieu. Ah! Bon! On était infestés. Qu'est-ce qu'on vit, mon Dieu. Catherine est rendue comme Mathieu. Ça n'a pas de sens. Non, j'ai repris dessus, Au Groenland, on ne jette rien. Donc, quand on parle de phoque et de baleine et de beluga, on s'entend que si jamais on pêche une baleine, ben on ramasse tout. Donc, on mange tout. Au Groenland, on mange beaucoup, beaucoup de chair. OK. Donc, beaucoup de viande, qu'on pourrait dire, là, avec les animaux marins et tout. Peu de légumes, comme vous pouvez le constater. Ouais, parce qu'ils là. Peuvent pas. Moi, j'ai regardé, puis leur régime alimentaire, c'est surtout de la viande. OK. Vraiment. Donc, il faut aimer ça. Puis, pas de patates, là. C'est non. De la viande puis de la viande. C'est ça. OK. C'est bien de la viande. C'est bien de la viande. Un petit côté de viande, là, puis un petit dessert de viande, puis tout ça. Puis le transport, comment ça fonctionne si on veut se promener au Groenland? Hein, parce que à l'intérieur du Groenland. C'est ça, parce qu'à 80%, c'est une masse glaciaire. J'imagine pas qu'ils ont, ils doivent pas avoir de train d'un bout à l'autre. Quelle bonne question. Ouais. Oh. Ils ont pas de train, en effet. Non, aucun chemin de fer au Groenland. Ça a été une bonne idée. Oui. Ouais. Mais en même temps, sur de la glace. Oui, mais c'est, non. C'est ça, c'est moyen. Il n'y a pas de chemin de fer, presque pas de route. Donc, tu sais, ici, on a des belles routes asphaltées. Ouais. Là-bas, si t'es chanceux, t'as des routes en gravelle. Tu y vas en raquette? Ben, oh, tu pourrais, mais c'est ambitieux. Oui. Très ambitieux, puis surtout qu'il y a juste très peu d'habitants au kilomètre carré. Tu peux rester dans ton coin. Ouais, si ça va mal en raquette, ça va mal longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, là. Donc, on y va, ben oui, en véhicule comme ici, là, donc principalement. En voiture? Oui, en voiture. En VUS. Et en motoneige. Ah, oui. Mm-hmm. Ça te sauve tout le temps. Hein? Mm-hmm. Donc, je dirais pour les transports, c'est à peu près ça. Les attraits touristiques au Groenland, qu'est-ce qu'on va voir quand on y va là, à part... Le paysage. Oui. Ça, c'est sûr. Donc, on s'émerveille de tout ce qui nous entoure. On y va pour la culture des Inuits, ça, c'est certain. Vraiment, il y a beaucoup de musées, il y a une richesse culturelle qui est vraiment incroyable. L'histoire des Vikings aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est super présent. Éric le Rouge, tantôt. C'est ça, Éric? Oui, Éric le Rouge. Je pense que oui. Les paysages polaires, donc on peut y aller aussi pour tous les géographes, donc bioéco, hein? On vous soutient. On vous soutient. OK, bravo. Et c'est quoi? De quoi? Qu'est-ce que est-ce que tu réfères à mon programme? Moi, je voulais faire un EO puis le nom de ça. Mais je l'ai pas, je l'ai oublié. Non, là, on se fait beaucoup marteler sur Spotted UQTR. Là. On a le dos large, là. Ah oui, comme quoi que vous avez pas à étudier ben, puis qu'il se passe pas grand-chose de... Qu'on arrive pas à nourrir une famille de quatre, tout ça. Mais non, c'est admin les plus persécutés. Ouais, eux autres aussi, là, ils sont persécutés de façon incroyable. Admin les et Récréo, je dirais... C'est les deux cibles. Ouais, mais je sais pas, pour moi, je sais pas si c'est moi que ça vient plus me chercher, mais ceux d'admin, je les trouve plus soft. Mais non, il faut passer pour des soulons. Ben oui, mais nous, on se fait passer pour des soulons qui n'arrivent pas à nourrir une famille puis à faire c'est de pire. Quoi de leur vie, puis c'est des câlins à des arbres. Je trouve ça pire. Ouais, c'est vrai. Au lieu de juste être des soulons. Ben, quoi que les gens en admin, cette semaine, il y avait une photo, c'était juste des poubelles. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Si on met ça sur une échelle, je pense que j'aime mieux caresser un arbre. Oh. Que d'être une poubelle. Mm. C'est vrai, mais il disait aussi qu'on parlait des fleurs. Oui. Ouais, ouais. C'est intense. Mais ouais, c'est quand même. Ben. Je parle pas des fleurs, toi. Non, je parle pas des fleurs. Sûr. Je te jure. Au papillon, oui, mais pas aux fleurs. J'ai jamais parlé à une fleur, je pense, de ma vie. Encore du temps. Quand même. Ça m'est jamais arrivé. Il y a toujours une place à une première fois. C'est ça. Oui, donc, on va au Groenland pour l'apprentissage géographique. Oui. Donc, super intéressant, comme j'ai dit, par rapport au canyon, la toundra, le climat, tout ce qui est géographie. Donc, ce pays-là, là, super intéressant. On y va pour de la randonnée, de l'observation de baleines, l'escalade, puis, évidemment, le must, l'observation de glaciers. Je pensais dire manger du beluga, mais non. Non. On y va pas pour ça. Non. Ben, moi, mon cœur le t'sais, prend mal. Ouais. Tu sais, du beluga, c'est cute. C'est très cute. C'est ça, c'est trop cute pour être mangé. C'est difficile. C'est ça, comme un narval, hein? C'est super cute, ben oui. Mais c'est super méchant. Ah, pour vrai? Ah, c'est... Oui. Y a-tu parlé? Est-ce que t'as parlé de narval? Non? C'est super insultant des narvals. Ouais. Il y avait le lancement de la programmation du carnaval aussi récemment, je pense. Ouais, c'était pas ma meilleure, celle-là. Non, mais non. C'est pas grave. Mais oui, un narval, c'est super cute, mais très, très agressif. Donc, si vous voyez ça, mettons que vous êtes en kayak, parce que ça l'a descendu trop bas dans le fleuve... Ouais. Vous ne dites pas, oh, je vais jouer avec le narval. Non, non, vous faites comme c'est avec Eric Salvaire, vous partez. Ouais, c'est ça. Oh! Ah, oh. Oh, c'était oh. Lourd. Oh. C'est un narval. Un narval, ça Bon. Combien ça coûte aller là? Hein? Ouais. Alors, ça doit être dispendieux, honnêtement. OK, on dit en combien de milliers ça a coûté la dernière fois là, pour les autres voyages? Pour la Nouvelle-Calédonie, c'était 1300. Ouais. Ouais. Okay, donc, il y avait plus d'habitants, il me semble. 3000. 2501. Mais là, c'est lequel ton chiffre final? 2225. 1500. Hey, t'as gagné. Oh, bravo! Mais moi, j'incluais, mettons... J'ai crié comme un gars par la Super Bowl. C'est pas 1500 piles, mais c'est la plus proche. OK. Moi, j'incluais plus de bagages, puis les frais de transport et de manutention du billet, puis tout ça. Ben oui. Ouais. Oui, non, les l'assurance, taxes sont incluses. Ou que tu te fasses manger par un bilga. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est pour... j'ai calculé mon prix en fonction que c'était une semaine au mois de juin. Hein, OK, oui, OK. Soit, où est-ce qu'il fasse le plus chaud. Ouais. C'est ça. Surprise. Il n'y a aucun départ de Montréal. OK, faut que tu partes de où? C'est impossible. Ah oui. On peut partir de Toronto. OK. Ah. On peut partir de New York. Pourquoi? Parce que les Québécois, ils n'aiment pas aller au Groenland. Ils ont assez d'hiver ici. On chiale tellement sur la température. Ouais, hein, ça doit être ça. Que... Ah bon? Okay, c'est compréhensible. Mon prix est basé sur Toronto. Oui. Je me suis dit. Fait qu'il faut que tu payes le gage jusqu'à Toronto. Oui, 2220. Okay. Ben non, c'est incroyable. Moi, je prendrais le train, parce que là, tu veux laisser ton char à l'aéroport de Toronto, ça va te coûter cher. Ouais. Ouais. Dépend combien de temps tu pars. T'as mis combien de temps? Une semaine. OK, c'est bon. C'est aller-retour. Oui, aller-retour tout le temps. C'est 1758. C'était pas mal entre le mien et le sien. Là. Tu as donné à elle. Ouais. Ouais, j'avoue, j'y ai peut-être donné. Pas mal l'égalité entre les deux. Là. Ouais. Non, pas vraiment. C'est moi, c'est 500 différences. Ouais, c'est 250. T'as raison. Merci. Parfait. Et combien ça dure un vol pour le Groenland? Tu sais, c'est quand même assez proche. Toronto-Groenland. Toronto-Groenland. 6 heures? Non. Moins ça. 4 heures. Ah, vous allez être surpris. Le moins long qu'on peut avoir, là, c'est 18 heures. Puis, mais voyons. Puis moi, à la période que j'ai cherchée, il y a toujours une escale. Ah, toujours. OK, ça compte l'escale? Oui, ben oui. Bon, la durée de vol compte toujours les escales. Ouais, mais là, mais le Toronto, mais t'escales où? À Vancouver? Probablement en Europe. Ah, ouais. Parce que Vancouver... Ouais. C'est pas... Mais tu peux pas passer par Montréal, en plus, fait que... Non, c'est ça. Parce que, mettons, tu regardes le Canada, le Groenland est situé pas du côté de... pas de l'eau, dans l'ouest. À l'est. À l'est, c'est ça. Ouais. Fait qu'aller à Vancouver, ça se rend un petit détour, un peu. Ouais. Un petit peu. Un petit détour, mettons. Mm. Une durée de vol de 40 heures. Aïe, aïe. Wow. Faut que tu veuilles vraiment. C'est comme aller en Australie, finalement, là. C'est quasiment la même chose. C'est même... Ouais. Sauf qu'on dit que c'est supposé prendre moins de temps. Ouais. Oui, c'est vrai. Bonne nouvelle, est-ce qu'on a besoin de visa? J'imagine que non. Non. Hein, c'est ça. Non. Bonne nouvelle. Nous accueille. Est-ce qu'on a besoin de vaccins? Mais pourquoi est-ce qu'on a pas besoin de passeport? Je pense que sinon, il y aurait personne qui irait. Ah non, nuance. Ils ont peut-être pas de douaniers. Un passeport, on en a besoin. Ah, excuse-moi, on a pas besoin de visa. Visa. Par contre. OK. Je ouais. La différence, oui. Vaccins, on n'en a pas de besoin non plus. OK. Parce que tu sais. Pas de maringouin là-bas. À moins que narval, c'est narval. Hein? Ouais, ouais, c'est narval. Mais la monnaie, c'est les couronnes danoises. Donc, préparez-vous à payer c'est cher. C'est le fait qu'au Groenland, on ne jette rien dans la nourriture. Hein? Oui. C'est ça. Les couronnes danoises, c'est très, très cher. Ensuite, on est rendu au moment où partir au mois de novembre. OK. Parce que là, on approche, puis j'avais déjà fait le monologue. Ah oui, on change le sujet. Là, on fait tout le temps, depuis quelques temps, la chronique là, sur le Groenland, c'est fini, puis on passe à qu'est-ce qu'on fait en novembre, c'est ça? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans le mois où est-ce que je fais ma chronique? Oui, mais là, ça donne que j'en ai deux par mois. Exactement. Excuse-moi, ma voix, elle n'arrête plus, hein? Je sais pas. Vous êtes en business ce matin? Hé là là, le matin est difficile. Donc, non, j'ai été très sage hier. où partir au mois de novembre? Donc, il y a deux pays que je vous recommande. Alors, l'Espagne, ouais. Donc au sud, encore une fois, et Cuba. Ah, OK. Cuba, pourquoi? Mais là, c'est pas très original, là, il me semble. Il y a beaucoup de monde qui va à Cuba. Ben non, mais là, on n'est plus dans l'original. Tu sais, la dernière fois, au mois d'octobre, j'avais conseillé le Portugal, des choses comme ça. Pour les personnes qui sont pas originales et qui veulent pas payer 1758 le billet d'avion, ben, il y a Cuba. OK. Mais, ouais, au mois de novembre, mais pourquoi? L'Espagne, ben, ça nous permet de retarder un peu l'hiver. Hein? On s'entend, c'est beaucoup plus confortable qu'ici. C'est vrai. Ensuite, à Cuba, ben, c'est avant la grosse saison touristique. Donc, il fait chaud. Puis, la grosse saison touristique, c'est, j'imagine, décembre-janvier. Ben, décembre-janvier, février-mars. Février-mars, oui. Oui, ça arrête à peu près mars. Après la semaine de relâche, ça commence à se calmer. OK. Mais vraiment, à partir du mois de décembre, là, les gens, ça commence à booker. Puis, ça paraît pas, mais les gens, tant qu'il n'y a pas de neige, ça book pas. Ah. C'est correct, c'est tranquille. Il y en a qui sont prévoyants quand même. Là. Mm. Mais le gros boom, là, c'est dans les premières journées de neige. C'est clair, l'envie, tu prends. Oui. Là, ça appelle, ça réserve, ça c'est a pas de sens. C'est déjà tanné après une journée. Faut partir, faut partir. Mais les gens, on dirait, les Québécois, on a cette tendance-là, on le réalise pas qu'on est dans telle saison avant d'y être pour de vrai puis le voir. C'est ça, on veut vraiment s'en aller aussitôt que la neige arrive, mais au printemps, quand la neige commence à sonner, puis il y en a encore, on est dehors en t-shirt en train de manger de la crème glacée. T'sais. C'est ça. Puis mettons, on réserve rien pour l'été tant qu'il fait pas beau. Oui. C'est souvent ça aussi. Fait que c'est quelque chose qui arrive. T'sais, l'été, souvent, on fait « Ah, oh, il fait beau en fin de semaine, allez, on va partir. » Mais on est très dernière minute quand même. Mm-hmm. Sauf nos snowbirds. Nos snowbirds qui vont ceux-là, ils savent. Ouais. Donc, Cuba. Pour Cuba, on n'est pas obligé d'y aller en tout inclus. Donc, on peut y aller autrement. Cuba est super pour faire des road trips. Donc, pour les personnes qui sont très intéressées à ça. Toi qui aimes improviser un peu. Ouais, ben qui aime improviser? Hey, ma voix, Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ça me prend vraiment. Je capote. Que tu as la même chose que moi. Ouais, mais moi, ça m'arrive souvent à l'année longue. Mais je pense que c'est de ta faute, là, ce matin. Ouais, ouais, ouais. C'est sûrement contagieux instantanément. C'est ça. Dans la même À caméra. 2 mètres de distance. C'est ça. oui, donc Cuba, pour les road trips, c'est super parce qu'on s'entend, il y a une richesse culturelle incroyable. Puis les Cubains sont tellement sympathiques. Ah oui. Promenez-vous. Ne restez pas dans votre complexe 5 étoiles à Varadero, s'il vous plaît. Allez voir un peu du pays. Moi, j'ai une ancienne collègue qui a vécu là pendant des années. Donc, c'était une femme seule quand elle était à Cuba. Et jamais, elle a eu peur. Elle dit « Jamais, je ne me suis pas sentie en sécurité. Ouais. » Les Cubains sont incroyables. Puis, parce que des fois, les gens ont peur. « Bon, c'est un pays latin, puis on sait pas. Je suis une femme seule. » Dépourvue, et c'est ça. Non, ça, c'est au Québec qu'il faut avoir peur en ce moment. Oh. Ben, ça... Et je m'en vais pas dans ce... Et... On va en parler plus tard, Mathieu. Okay. Ouais, cool. On n'était pas sûrs là, de s'en aller par là. Donc, super sécuritaire comme pays. Les Cubains sont très, très sympathiques, accueillants. Faut pas avoir peur d'eux. Là. Des fois, les Québécois et Québécoises, on est très froides et froids. Mm-hmm. On est peureux. Mm-hmm. Oui. Mauviettes. Oui, wow, c'est ça. Ouais, vraiment. Moi, je me rappelle au Costa Rica quand je marchais dans la rue et qu'il y avait un chantier de construction. Puis là, tous les ticots s'arrêtent. Puis ils te regardent marcher. Mm-hmm. Tu fais, ah, je me sens pas vraiment en sécurité présentement. Mettons que il ferait pas une chance qu'il fait soleil. Ouais. Ouais. Ouais. Effectivement. Mais à Cuba, pas besoin d'avoir cette peur-là. Ensuite, au billet d'avion, le billet d'avion, de quoi on parle pour aller en Espagne? Ben, encore dans les 800 $ ces temps-ci, c'est vraiment pas avantageux, je vais vous le dire. Moi, j'ai déjà vu des billets dans les 600, là. Mm-hmm. C'est. Attendez un peu. Mais Cuba, on part toujours dans les 400 $. Oh, c'est bon. Donc ça, ben ça, c'est à peu près à l'année longue, ça a de l'allure. Des fois, on a des deals à peu près à 375-360 pour Cuba, quand on magasine très bien à des bonnes périodes. Mmh. Mais en moyenne, dans les 400 $, là, on a un billet aller-retour pour Cuba au mois de novembre. Pas pire. Tu mets ton argent ailleurs dans ce temps-là. C'est ça. Puis tu es rendu à Cuba, là, il y a des auberges de jeunesse, il y a des choses comme ça. Donc, pour les personnes qui voudraient partir pour la... Est-ce qu'on est dans la semaine de lecture? Là? Non, pas encore, c'est la semaine prochaine. Pas encore. Hey, je suis tellement... je suis perdue. Elle là. Est universitaire, on va se le répéter. Oui. Elle est vraiment universitaire. ça paraît pas quand je pose des questions comme ça, par exemple? Non, non, non. Non. Donc, la semaine prochaine, hein, si ça vous tente de booker un petit vol pour Cuba à dernière minute, ça se fait bien. Hein? Un budget de moins de 1 000 $ pour la semaine, c'est le fun. Mm-hmm. Puis on voyage autrement. Écoute, je pense que c'était à peu près tout pour ma chronique. C'était intéressant. Ben, j'espère. Comme toujours, ben oui. Définitivement. J'espère que vous en avez appris. Mais hein. Oui. Moi, mon fait le plus surprenant, c'est l'iceberg et le Titanic. Ouais, oui. Moi, c'est le Groenlandais. J'aurais jamais pensé. Ouais. Ouais. Ouais. Écoutez, plein de surprises pour ce pays-là. La peau de Beluga crue. La peau de Beluga crue. Ouais. Fait que là, ça veut dire qu'à très longtemps, que tu peux retourner à ta semaine de relâche numéro moins 1 parce que tu penses que c'est congé aujourd'hui. Ouais, ben oui, non, je m'en vais au travail. Bon. Malheureusement. C'est ça. La vie est occupée. Hein. Ouais, oui, tout le temps. On te retrouve dans 2 semaines pour notre chronique voyage. Oui. Avec un titre cette fois-là. Là, t'as une intro. Je trouve que t'es exigeant, là. Ah, une chose à la fois. T'as commencé avec rien, maintenant un thème, après ça, un titre. C'est vrai, je pars de loin dans le fond. Mm-hmm. T'as raison. Ok, un titre, je vais essayer. Tu sais, tu peux avoir un jeu de mots si tu veux me faire plaisir, mais tu peux ne pas en avoir aussi. Ah, ben là. La longue loi du pays. Non. Là, non. Écoutez, s'il y a des auditeurs qui ont des suggestions, je suis partant. Ouais. Sur le. Vous avez un Facebook, vous, c'est fou? Ouais, ben oui. Bon, oui. Sur le Facebook, c'est fou, j'entends les suggestions. Absolument. On a Facebook Assemblage Requis aussi. Tout le monde est là sur les médias sociaux. Merci encore, Catherine Langlois. Ça fait plaisir. Alors, deux semaines. C'est les jeudi à 8h30. On va justement se quitter avec une pièce du band Groenland, pourquoi pas. Ah, ça a du sens, voici. Ça fait beaucoup de sens, Mathieu. Distractions. Ah, c'est le même. Ah, c'est bon, ça. De toute façon, là, je dis. Ask me where it hurts, oh, I'm not so sure. But can be no rational makeup for when I'm feeling lost. There's a rumor spreading through my body as I move further from the truth. It's all a chicken pretend. If I find a way to mend, I don't know then. What do you need proof for? When every disease is a distraction, I'll be careful with words. Did I scream through the past? I wish I could keep track of reality. Have you noticed how I laugh? I went insane and I went back to the tellement fantastique, Groenland, avec Distraction, Distractions, Assemblage Requis. On prend une pause au retour, il nous reste plein de choses à faire, ça va être vraiment le fun. Qu'est-ce qui s'en vient, Tania? Bien, entre autres, Tu manges mon cœur, Tania is gonna entertain ya, puis une grosse pointe en le reste. Ah, oh, wow, mais c'est garni, ça! Oh, très garni. Restez là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Thank you. êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Vous êtes toujours dans l'assemblage Reiki, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Mathieu Plante! Oui, Tania qui me pointe. Là, je pense que je vais parler, mais toi, tu pointes comme pour dire que tu vas le prendre, c'est ça? Oui. Le retour, c'est ça? C'est ça, exactement. On a du fun ensemble, on s'amuse. On fait des chroniques comme ça, toi et moi, aujourd'hui. Mm-hmm. Un petit peu plus de toi que de moi. Juste un petit peu. Un petit peu. Légèrement. Ça me ramène au temps où tu t'étais fracturé le bras, Mathieu. Le mois de mars, tu t'animais tout seul. Exact. Pauvre toi. Mais maintenant, on va se partager cette chronique-là la prochaine. On va partager nos coups de cœur, en fait, avec le public. Voici « Tu manges mon cœur ». Quand je vais dans les aigus, je sonne comme un cochon qu'on lui tendrait à la gorge. Ah, un petit peu. Un petit peu. Hein. Donc, tu manges mon cœur, la collègue des coups de cœur, des co-animateurs de C'est fou. Je te laisse choisir si tu veux commencer ou terminer. Bien, Mathieu, j'en ai deux. Donc, on peut faire un sandwich ou un Oreo. Ah, bonne idée. C'est à ta guise. Tu peux commencer, alors, d'accord. Et terminer. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui ou ce que je vous présente, en fait, comme mon coup de cœur, c'est deux série télévisée. La première, elle existe déjà depuis quelques saisons, mais là, le fait que j'aime ça puis que ça mange mon cœur, c'est qu'elle revient pour une troisième saison. Peut-être que vous connaissez cette émission. Ça passe plutôt inaperçu parce qu'en fait, c'est diffusé par Lifetime. Okay. Donc ici au Canada, c'est un petit peu moins une chaîne connue, mais c'est une série dont j'ai déjà parlé à l'émission. C'est la série Unreal. En fait, c'est des productrices de télé-réalité qui sont manipulatrices. Et ça fait un petit peu l'envers du décor des fameuses téléréalités qu'on connaît comme The Bachelor ou The Bachelorette aux États-Unis. Alors, ils ont dévoilé un petit peu plus tôt cette semaine leur bande-annonce pour la troisième saison et ça semble vraiment plus crunchy qu'avant. La première a commencé assez soft. On savait déjà qu'une d'entre elles, dans les productrices, avait peut-être un petit peu un petit côté dark. Il y en a une qui était extrêmement manipulatrice. Donc, on voyait ça comme ce qu'on voit les productrices de télé-réalité un petit peu dépeintes partout dans les médias. On s'attendait pas à ce que ça devienne aussi dark que ça. Finalement, la première saison, ça s'est terminé de façon extrêmement dark. Il y a eu mort, disons ça comme ça. Et par la suite, bon, la deuxième saison, c'était dark aussi. C'était encore plus manipulateur. Et là, pour la troisième saison, on voit un côté qu'on n'a pas vu durant les deux premières saison, c'est-à-dire que durant les deux premières saisons, on s'est basé sur la façon dont The Bachelor avait été créé dans le temps. Ah oui. C'était un gars pour une panoplie de filles. Mmh. Et là, pour la troisième saison, eh bien, on fait l'inverse. On fait une fille pour une panoplie de gars. Comme dans The Bachelorette, celle-là. Exactement. Ouais. On se rend compte qu'on n'aura peut-être pas le même pouvoir de manipulation sur The Bachelorette qu'on l'a eu sur The Bachelor. Donc, il va y avoir, encore une fois, ça va tourner autour de cette manipulation-là. Et tout semble changer, en fait, pour le modèle de l'émission dans la troisième saison. Alors, j'ai vraiment hâte que ça recommence. On va pouvoir voir des Sherry Appleby qu'on avait déjà vu dans la série Roswell, qui est excellente. Elle orchestre un jeu magnifique dans cette série-là. On se rend pas compte à quel point elle a un côté dark, justement. Et je pense que c'est le fait qu'on se dit « Ah, c'est sûr que Sherry Appleby, c'est une bonne petite fille dans la vie. » Puis là, c'est complètement l'inverse de ce que tu penserais de cette fille-là. Alors, j'adore cette série justement pour ça. Génial. C'est joué en français sur RTV en passant. Ça s'appelle Réellement. Ah! Le « ment » majuscule. Tu vois, je ne savais pas. J'aime le titre québécois. c'est mm-hmm. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai entendu une chanson quand j'étais dans un restaurant de frites belges. D'accord. J'ai trouvé pour ne pas nommer de nom. C'est ça. J'ai trouvé le beat intéressant. Je ne connaissais pas du tout cet artiste-là. C'est Simon Daniel. Ça me dit absolument rien. Son maxi s'appelle Jaune. Il est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est la pop alternative. Il dit que ça sillonne entre l'imaginaire et le réel. Il a été demi-finaliste du concours Les Francouvertes en 2005. Il a gagné quelques prix à la Francofête en Acadie, entre autres. Artiste de l'année à l'Université de Moncton en 2014-15. Donc, quand même, c'est pas un artiste super connu, à ce que j'en lis. SimonDaniel.ca pour son site web. On écoute une des pièces. Et en fait, c'est la pièce, bien sûr, que j'ai entendue dans ce restaurant de frites belges. C'est la pièce 6 AM, tout de suite, dont tu manges mon cœur. Ah, ça va jouer. Some impossible dream. Suddenly, your gaze brings me out of my morning haze. With my meter eye, I shyly look away. Did I really catch a glimpse of a smile? I think so. And out of the corner of my eye, I see she's everything. Simon Daniel avec la pièce 6 AM sur l'album EP Jaune. Et ça, ben, premièrement, c'est encore meilleur que quand j'ai entendu dans un restaurant de frites belges. C'est excellent. C'était vraiment écœurement bon, Simon Daniel. Et ça m'a fait penser, sa voix et sa façon de chanter me fait extrêmement penser à Sundry Lurkey, qu'on avait dans les palmarès il y a vraiment plusieurs années de ça. Il avait fait le film Dan in Real Life. Il avait fait la trame sonore de ce film-là. Et c'est comme ça que j'avais appris à connaître Sundry Lurkey. Mm-hmm. Et j'ai fait un petit peu de recherche pendant la chanson. Et Sundry Lurkey a sorti un album au mois de mars qui s'appelle Pleasure. OK. J'ai pas encore entendu, mais il y a un vidéoclip pour cette chanson-là, donc j'imagine que c'est sûrement sa meilleure pièce. D'habitude, j'imagine. Quand tu fais un vidéoclip. Souvent. Donc on écoute sa pièce Serenading in the Trenches et on va voir si ça ressemble à Simon Daniel. My luggage and your fuck me boots. You'd off and juiced off with my back to the wall. Blindfolded, eager to give in to the fall. Stripped of the structures that boggled my mind. Sink into the quicksand, making up for lost time. Serenading in the trenches. Do we wanna pretend we're dead? Serenading in the trenches. Do you wanna make love instead? Cueless casual. From paper cuts all over the news. I soften the bruises with a one-sided truce. Stripped of our passions in a lukewarm embrace. Sink into the quicksand of stale dignity and grace. Keep it up, keep on track, keeping up with myself. Old idea splinters, put that shit on the shelf. In limbo, all's resting on me. Sink into the quicksand of a ruthless memory. Serenading in the trenches. Do you wanna pretend we're dead? Serenading in the trenches. Do you wanna make love instead? Cute as casualties. Clueless commons. Our aborted mission. Our self-indulgence. I saw you at the finish line, and you were burning the flag, and you were biding your time. God, I saw you at the finish line, and you were burning the flag, and you were biding your time. God, I saw you at the finish line, and you were biding the flag, and you were biding your time, and you were biding your time, and you were biding your time, and you were biding your time, biding your time, biding your time, biding your time. Serenading in the trenches. Do you wanna pretend we're dead? Serenading in the trenches. Our aborted mission, our self-indulgence. I saw you at the finish line, and you were biding your flag, and you were biding your time. I saw you at the finish line, and you were biding your flag, and you were biding your time. I saw you at the finish line, and you were biding your flag, and you were biding your time. Tellement content de pouvoir entendre une nouvelle pièce de Sudbury Lurkey, Serenading in the Trenches, sur l'album Pleasure, sorti en mars 2017, dans la chronique Tu manges mon cœur. Et maintenant que j'ai terminé, le sandwich continue avec la tranche de pain numéro 2 et Tania Baudin. Eh bien oui, on reste dans le thème, en fait, de la télévision. C'est un original Netflix. C'est une série télévisée américaine qui a été créée par Joe Pennell. En fait, c'est la nouvelle série Mindhunter qui est présentée sur Netflix. Je dois vous avouer que j'en ai écouté seulement un épisode. Mais c'est merveilleux. Dès les premières minutes, si vous vous intéressez un petit peu à la criminologie, si vous vous intéressez à la sociologie et la psychologie, en partant, vous allez capoter. Ça prend place en 1977, il faut le dire. Donc, on est à l'aube de la psychologie criminologique et du profilage criminel au sein du FBI. Il y a des agents qui sont Holden Ford et Bill Tank qui vont justement s'entretenir avec plusieurs tueurs en série pour tenter de comprendre leur façon de penser et aussi pour acquérir des connaissances pour résoudre des affaires criminelles, chose qui, avant les années 1980, n'existait pas vraiment au sein du FBI. Les gens disaient, bon, ils ont fait ça parce qu'ils sont fous, tout simplement. Et on s'est penché sur la question, non, mais ils peuvent pas seulement être fous. Ils font quelque chose et on dit qu'ils sont fous pour une raison en tant que telle. Il y a un déclic qui fait en sorte qu'ils font un acte qui semble fou. Donc, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou si vous regardez ça comme ça. Et je vous le dis, la série, dès le premier épisode, va vous lancer si vous êtes intéressé par ce genre de questionnement-là, si vous êtes intéressé par la criminologie. Ceux qui ont vu, qui ont regardé plusieurs documentaires, Making a Murderer, entre autres, exactement. C'est dans la même lignée, j'adore si ça. Si vous êtes du style à aimer les CSI et tout ça, vous allez vous intéresser à la façon du pourquoi ils agissent comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la question pourquoi, comment, où et qui va revenir à plusieurs reprises, du moins dans le premier épisode. Et j'ai écouté seulement le premier épisode parce que j'étais en mi-session, OK? Je n'avais pas le temps de procrastiner ce que je devais faire, mais... T'es sur la défensive, puis on t'a même pas accusé. Non, mais là, oubliez ça, là. Je vais binge-watcher cette série-là comme ça n'aura aucun bon sens. On retrouve Charlize Theron aussi en tant que productrice sur cette série-là. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est sorti le 13 octobre sur Netflix. Là, c'est vraiment tout récent. On s'inspire en fait de l'ouvrage Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit de Mark Allshaker et de John Douglas. Donc c'est à la base un livre. Si jamais ça vous intéresse, allez lire le livre avant. Et avant même la diffusion de la première saison, la série a été renouvelée pour une seconde saison. Combien d'épisodes chaque saison? Si je me souviens bien, c'est 20... Tant que ça? J'essaie de trouver, là. Attends, donne-moi 30 secondes. Je vais aller directement sur le site de Netflix. Je pense que c'est une dizaine, en effet. Une saison. Je l'ai, attends un petit peu. On s'est même pas écrit. On parle de 10 épisodes. Ouais, OK. 10 épisodes pour la première saison. J'ai hâte de voir à quelle vitesse je vais dévorer cette série télévision. Wow! Ça a l'air vraiment bon pour moi, ça me donne vraiment envie. Mindhunter sur Netflix. Merci Tania. Ça fait plaisir. Nous voilà, on a terminé nos coups de cœur pour cette semaine. On en aura d'autres sûrement la semaine prochaine ou une autre fois. Clairement. En fait, probablement la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Mm-hmm. On va devoir faire du dimanche mon cœur la semaine prochaine. On prend une pause au retour. Il nous reste un petit peu de trucs d'automne avec toi. On va plutôt faire un petit peu de tour de l'actualité. Oh, excuse-moi, c'est ta chronique, Tania. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu as raison. Oui. Et on va goûter à quelque chose dans une grosse pointe d'adresse. Tout ça d'ici la fin de l'émission à 10h. Oui. Toujours à l'assemblage requis accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Oh, que oui! Maintenant, c'est le moment de faire le tour de l'actualité de la semaine, comme on le fait pas mal tous les jeudis dans Tania's Gonna Entertain Ya. Exactement. Donc, Tania, aujourd'hui, plein de nouvelles de pipi, j'entends dire, c'est ça? Oui, on va en venir. ne vous inquiétez pas, on va en arriver là. Mais je vais commencer avec une nouvelle très locale ce matin. C'est sorti, en fait, dans un article du Soleil. Donc, appartient à la presse, évidemment. Mais on parle de l'UQTR. Ah oui. Parce que en fait, il y a une formation qui est donnée pour les infirmières en chirurgie qui se donne au Québec seulement ici, à l'UQTR. Mais on a appris que la seule université au Québec qui formait des infirmières de première assistance en chirurgie, ce qu'on appelle les IPAC, a mis fin à son programme, faute de chirurgiens disponibles pour offrir la formation. Donc, c'est une situation qu'on déplore du côté de la Fédération de la santé du Québec. Le Collège des médecins et l'Association d'orthopédie du Québec ont souligné aussi l'importance de cette collaboration-là. des IPAC dans les salles d'opération parce que ça nous les prend, ces infirmières-là qui sont formées pour être des premières assistantes lors des chirurgies. Donc, c'est devenu très complexe du côté de l'UQTR. On dit qu'on avait de la difficulté à trouver des chirurgiens pour donner la formation. Donc, ils ont mis fin au programme de certificat de pratique infirmière de première assistance en chirurgie. C'est ce qu'a confirmé Jean-François Hince, qui est responsable des relations avec les médias à l'UQTR, et la cinquantaine d'étudiantes de la dernière cohorte sont actuellement en stage. Donc, on va finir à la fin de l'année. C'est les dernières qu'il va y avoir pour l'instant. Exactement. On va faire le nécessaire pour qu'elles terminent en décembre et par la suite, ça va être la fin. Donc, on ne prendra plus d'autres inscriptions au niveau de ce certificat-là. Il y a 50 recrues qui s'ajouteront à la centaine d'IPACT qu'on compte actuellement au Québec. On a été formés en 1996, donc c'était la première cohorte qui a commencé à pratiquer en décembre 2000. Et la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour, se dit que c'est désolant, en fait, la décision de l'UQTR. C'est une formation qui permettait aux infirmières de jouer un rôle qui est accru dans le domaine. On se dit qu'on peut aller un petit peu plus loin que juste l'infirmière de lit. Donc, c'est cette formation qui permettait aux infirmières de justement pouvoir prendre quasiment part à une chirurgie accompagnée du chirurgien. Une IPAC dans une salle d'opération, ça donne un bon coup de main aux chirurgiens. On peut être libéré plus rapidement pour voir d'autres patients. Donc, les IPAC qui travaillent notamment en chirurgie orthopédique, en chirurgie cardiaque, urologique et gynécologique peuvent poser plusieurs actes cliniques en présence du chirurgien. Donc, par exemple, installer divers instruments, divers appareils chirurgicaux à l'intérieur du site opératoire. On peut faire des incisions, on peut disséquer, on peut faire des prélèvements de tissus, on peut suturer la plaie chirurgicale et on peut ligaturer en profondeur. Donc, on peut procéder en tant qu'infirmière de première assistance en chirurgie. On peut procéder à nous seuls, à l'ouverture et à la fermeture d'une plaie, ce qui demande en temps normal beaucoup de temps à un chirurgien. Il y a plusieurs patients à voir, le chirurgien. Exactement. Donc, pour autant, un chirurgien, faut qu'il soit présent en tout temps dans le bâtiment, mais de ce côté-là, on peut faire l'incision nous-mêmes du côté de l'infirmière. Donc, le Collège des médecins est un petit peu préoccupé par tout ça parce que présentement, comme je le disais, l'UQTR, c'est la seule institution universitaire qui offre ce certificat-là. Est-ce que c'est temporaire comme arrêt ou est-ce que c'est permanent? On ne sait pas encore. On n'en a aucune idée. Ouais. Mais on le sait, en fait, que le regroupement des infirmières de première assistance en chirurgie a proposé à l'UQTR de confier la formation, du moins en partie, à des IPAC qui ont déjà l'expérience, et l'UQTR a refusé. Non. On dit, en fait, qu'il ne faut pas mettre cette formation-là à arrêt. C'est important de continuer cette formation-là. Il y a plein de gens qui veulent la faire. Il y a des postes d'IPAC qui sont disponibles dans les institutions hôpitaux, notamment du côté de Sherbrooke. C'est des postes qui pourraient être comblés par des gens qui sont intéressés à suivre la formation, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a plus de programme. Ouais, peut-être qu'une autre université va récupérer le programme. Peut-être. En fait, on espère un petit peu parce que du côté de la formation, c'est inquiétant. Ouais. Si on regarde encore une fois du côté local, eh bien, Mathieu, j'imagine que tu vas être déçu de savoir qu'il y a menace de grève à la STTR. Oui, le 27 octobre, c'est un vendredi. Exactement. Moins occupé pour nous quand même un petit peu. Donc, les utilisateurs comme toi de la Société de transport de Trois-Rivières vont être confrontés ou pourront être confrontés à court terme à des problèmes de déplacement. On parle d'une menace de grève qui plane sur la STTR et ça pourrait être déclenché par le syndicat à la fin du mois d'octobre, donc afin de dénoncer l'allure des négociations. Le syndicat représente entre autres les chauffeurs, les employés de bureau, les employés affectés à l'entretien des véhicules. Et mardi, on a déposé justement la demande d'application du droit de grève au ministère du travail et au tribunal administratif. Le syndicat profite depuis le mois de juin d'un mandat de grève accordé par ses membres. On ne sait pas encore si on va aller en grève. C'est le choix du comité de négociation, en fait, et il n'y a pas de date fixée pour une grève. C'est possible que ça arrive, comme présentement, c'est possible que ça n'arrive pas non plus. Le contrat de travail qui unit la centaine de syndiqués à la STTR est terminé depuis décembre 2016. Donc, il y a une vingtaine de rencontres rencontres qui ont eu lieu depuis ce temps-là, mais il y a plusieurs points qui sont source de discorde entre les deux parties et on veut arriver, bien évidemment, à un seul point. On veut arriver à un consensus, compromis entre les deux parties, chose qui devrait quand même prendre un petit peu de temps avant que ça arrive. Bon. Regardons ça comme ça. Ouais. Mathieu, les prévisions météorologiques pour l'hiver canadien sont pas bonnes. Moins pire qu'au Groenland, mais quand même. Sachez-le. Peut-être moins pire qu'au Groenland, mais il va faire froid, plus froid que l'année passée. Ben, comme il fait plus chaud que supposé. Ben, exactement. C'est un petit peu à cause de tout ça, mais les skieurs vont être contents, eux, parce que les prévisions météorologiques pour l'hiver canadien sont arrivées et il va neiger beaucoup. Bon. Donc, sortez vos pelles en avance. On sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Achetez-vous en 5. C'est ça. Autant les Rocheuses que l'Est du Canada vont pouvoir s'attendre à beaucoup de neige cette année, selon le communiqué de presse d'AccuWeather. Donc, comparé à l'année dernière, l'hiver prochain devrait être beaucoup plus froid, et ce, des prairies au Québec. Donc, ça va être à la grandeur du Canada. On va pouvoir y voir plusieurs tempêtes de neige importantes du côté, d'ailleurs, de Windsor en Ontario jusqu'à Ottawa et Montréal cet hiver, surtout vers janvier et février pour le Québec. C'est là où tout va se passer. Donc, même les Canadiens qui détestent plus la neige, bien, on parle, en fait, de Vancouver, des Victoriens qui doivent s'attendre aussi à en recevoir beaucoup cette année, contrairement aux années dernières. Donc, dans les prairies, les températures vont tellement descendre que ça va pouvoir être dangereux. On va avoir des vagues d'air arctique aussi, qui devraient souffler à travers la région plusieurs fois. Et du côté du Canada, bien, du Québec, il va faire aussi de plus en plus froid. Il va non seulement avoir des tombées de neige incroyables, mais il va faire frette au Québec. Donc, sortez vos manteaux, sortez vos tuques, sortez vos bottes, ça va pelleter. Puis, attendez-vous à rester pogné dans les bancs de neige. C'est déprimant, ce matin. Oui, je sais, je suis désolée. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes bougent toujours pas assez et on se trouve encore une fois trop devant les écrans. Ouais. Donc, les années se ressemblent, se suivent, mais clairement se ressemblent. Aussi. Parce que on disait ça dans le temps où on était jeunes. Il y a quelques années, ça a un petit peu changé. On voyait que les jeunes voulaient faire un changement au niveau de leur santé. Mais là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il y a de nombreuses recommandations en la matière. Il y a des nouvelles études aussi qui montrent que les jeunes Canadiens ne font toujours pas suffisamment d'activité physique. Il y a deux enquêtes de Statistique Canada qui révèlent également que les enfants et les adolescents passent plus de temps devant des écrans que le nombre d'heures maximales qui est recommandé pour leur âge respective. Donc, l'Agence fédérale a dévoilé mercredi, donc hier, les résultats de ces deux études, dont les données qui ont été tirées de l'enquête canadienne sur les mesures de la santé. Et on le sait, l'activité physique, ça ne s'adjoint pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui sont contents avec ça. Non, mais la santé, oui. Et c'est là qu'on vous dit que les jeunes, c'est important de les faire bouger, parce que non seulement ça va avoir un impact, bon, sur leur côté physique, mais ça va avoir un impact sur leur santé, point. Donc, au primaire, c'est surtout la tranche d'âge qu'on essaie de joindre le plus souvent. On se rappelle, il y a quelques années, dans la réforme scolaire, on a diminué un petit peu le temps d'activité physique. Et on essaie de faire certains changements pour qu'on puisse ramener ça à un temps qui va avoir de l'allure, parce que justement, on se rend compte que les jeunes ont peut-être un petit peu plus de difficultés côté santé à cause de ça. C'est particulier quand même comme technique d'enlever du temps d'activité physique. Je sais, hein? Je comprends pas ça. Ben, tu sais, il y a 75 % des jeunes qui dorment suffisamment, c'est-à-dire de 9 à 11 heures pour les enfants de 5 à 13 ans. 9 à 11 heures. Et de 8 à 10 heures pour les jeunes de 14 à 17 ans. Oui. La moitié suivent la recommandation en matière de comportement sédentaire, mais il n'y en a pas assez qui le font. Donc, il faut faire attention pareil. C'est un petit peu alarmant, mais on va essayer de voir comment ça va se passer de ce côté-là. Ouais. Et c'est maintenant le temps de parler, bien évidemment, de ce qui s'est passé, parce que hier, on en a parlé un petit peu. Il y avait la grosse sortie sur l'enquête qui a été faite par la presse du côté d'Éric Salvaille. Mais là, hier soir, quand tout ça est sorti, il y a d'autres choses qui sont sorties en soirée qui touchent, entre autres, Gilbert Rozon, qui est président de Juste pour rire. Ouais. Et qui a plusieurs... Et juge au dragon aussi. Hein. Oui, juge au dragon, qui est juge du côté de l'Europe à la France, à un incroyable talent, ouais. Qui est un petit peu l'effet en fait de du talent à revendre. Avec un moins bon nom. Il a plusieurs postes aussi pour le 375e de la ville de Montréal. Et hier, à la suite de certaines allégations, encore une fois, qui sont sorties. Nombreuses et non anonymes. Non anonymes, hein? On va le dire, il y a plusieurs gens. C'est une mauvaise chose d'être anonyme, exactement. Mais là, il y a au moins des noms et des gens qui mettent leur carrière en jeu pour sortir là-dessus. Entre autres, Penelope McQuaid. Oui. Qui a relaté en fait une situation qui s'est déroulée avec Monsieur Roson dans un party de bureau. Après que Guillaume Wagner ait sorti la nouvelle avant que les médias en parlent, il y en a qui sont contre l'idée qu'il n'aurait pas dû vendre, mais comment dire, il n'aurait pas dû s'approprier cette nouvelle-là avant que ça sorte, mais en même temps, il fallait que ça sorte éventuellement. Ben en fait, je crois que c'est justement Guillaume Wagner qui a fait en sorte que les dames aient décidé de peut-être parler. Je sais pas, Guillaume Wagner, c'était en journée hier. Oui, exactement. L'article du Devoir sur Gilbert Rozon était en soirée hier, donc sûrement que ça n'aurait pas été aussi vite que ça. Peut-être. Je pense que l'article était sûrement prêt de sortir. Peut-être. Peut-être le lendemain, il me semble. Puis là, ils l'ont sorti plus tôt à cause de ça. Oui, ça se peut. Bref. Parce qu'en fait, bon, Guillaume Wagner étant lui-même un humoriste, disons-le, un humoriste de Juste pour rire, il a dit qu'il ne travaillerait plus pour Juste pour rire tant et aussi longtemps que Gilbert Rozon allait être à la tête de la présidence de cette institution humoristique-là. Alors, un petit peu plus tard en soirée, ça n'a pas pris de temps, ça a pris pas mal moins de temps qu'Éric Salvaille hier matin pour dire qu'il démissionnait de ses fonctions de président du Gala Juste pour rire. Et de plusieurs autres choses. De plusieurs autres, donc on n'est plus impliqué non plus du côté du 375e de la ville de Montréal. Ce matin, la chaîne M6 en France a suspendu Monsieur Gilbert Rozon à la suite de ces sorties-là. Et il y a aussi eu, on parle d'allégations, c'est différent que de dire qu'il y a eu plainte, mais hier soir, en soirée, il y a eu plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon. Donc, la police de Montréal a ouvert un dossier. Oui, ce qui est différent par rapport à ça. Ouvert une enquête. Exactement, c'est différent. Là, ça veut dire qu'il pourrait aller en prison si l'enquête fait son cours et on dit, bon, M. Rozon, vous êtes coupable. Donc, de ce côté-là, c'est différent des allégations qui ont été portées pour Éric Salvaille. Je ne crois pas. Faudrait que je vérifie mon livre de la loi avec mon ancienne coloc qui a étudié en droit. Mais je ne crois pas que tu peux enfermer quelqu'un pour allégation. Je ne crois pas. Okay. Sur le site de Radio-Canada, en passant, dans l'œil du dragon, a toujours la face de M. Rozon. Hein. Oui. Donc, hier, Rouge FM était plus rapide que Radio-Canada. Exactement. Et Gilbert Rozon a fait une déclaration, lui aussi, officielle sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, il a dit qu'il annonçait qu'il quittait dès maintenant ses fonctions de président du groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e de Montréal, ainsi qu'en tant que vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il se tire par respect pour les employés qui travaillent avec lui, les familles qui travaillent pour ses organisations, ainsi que tous les partenaires, et il veut surtout pas leur porter ombrage. Par la suite, il dit qu'il est ébranlé par les allégations qui le concernent. Il souhaite consacrer tout son temps à faire le point. Et il a terminé un petit peu dans le même style qu'Éric Salvaille. Oui, en fait, quasiment mot pour mot. Ébranle. Oui. Et il dit à toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé. Ça ressemble à un copier-coller presque. Ça ressemble presque à un copier-coller. Je te dirais que ses fonctions n'ont pas été enlevées de son compte Instagram. Par contre, depuis les deux derniers jours, il n'y a pas eu de post. Ouais. Donc, la chaîne M6, comme je vous le disais tout à l'heure, a tout simplement suspendu ce matin, un petit peu plus tôt, Gilbert Rozon de ses fonctions de juge. Eh bien. À l'émission, évidemment. Oui, oui. À l'émission. Il va y en avoir d'autres, d'après moi. Apparemment que ça va juste être une boule de neige, exactement. Ouais. On se rappelle que tout ça a légèrement commencé à la suite de Harvey Weinstein. Yep. Voilà. Les gens de pouvoir, les gens riches. Oui, bien, la plupart du temps, c'est comme ça. Là, on se pose la question, est-ce que ça va sortir dans la politique maintenant? À la politique canadienne, politique est-ce québécoise? Que c'est pour ça, je crois, qu'ils ont demandé l'avis des politiciens après Éric Salvaille. Hein? Je trouvais que ça n'avait tellement pas rapport de demander l'avis des politiciens sur Éric Salvaille. Mais non, c'est parce qu'on veut savoir, parce que c'est sûr que ça arrive aussi du côté politique. Ouais. On veut que ça parle un petit peu plus du côté politique que du côté médiatique cette fois. Alors, dans les médias, un petit peu plus tôt cette semaine, on se pose la question, qui va être le prochain à perdre la tête. Exactement. Merci Tania. Fait plaisir. Une autre survol de l'actualité les jeudis habituellement ici même à Assemblage Requis et puis on se fait ça, cette chronique-là en général tous les matins. Mm-hmm. Maintenant, on écoute une petite pièce musicale avant de retourner avec notre collègue une grosse pointe d'adresse. On s'écoute une nouvelle entrée du côté anglophone cette fois-ci et c'est par Busty and the Bass qu'on adore. Oh, nouvelle entrée de la semaine prochaine. Oui. En avant-première, voici Up Top. Turn it up. Stand up just the other day. Did you think that I might turn my back and run away? You should know it's not my ordinary. My everyday kind of way, but can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. And if there's room for two, take a leap with you now. Oh, yeah, I wanna know, can we get any higher? Avec Hop Tap à Sauvage Rocky. C'est en avant-première des Palmarès C'est fou de la semaine prochaine. Quand ça jouera comme nouvelle entrée lundi, vous ferez comme si vous étiez surpris. Okay? C'est une nouvelle entrée. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, c'est une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse, ça c'est la colline dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en magasin, peu importe, que j'ai gardé dans mon tiroir depuis les dernières semaines. Et puis celui-là, ben, ça fait quand même, je dirais, bon, 2-3 semaines que j'ai acheté, mais j'avais hâte d'y goûter. Mm-hmm. J'avais hâte, parce qu'on a parlé en début d'émission, évidemment, t'as sûrement fait le lien dans ta tête que des listes sur les chips dans son foutu palmarès allaient mener vers des chips. Oh mon Dieu! Mais par contre, je suis allé un petit peu plus original avec des équivalents Pringles, mais qui ont l'air un petit peu plus... comment dire, santé. Mm-hmm. L'emballage fait vraiment années 90. Ça a l'air rétro. C'est affreusement laid. On dirait, en fait, on dirait un grand contenant de sel. C'est vrai. Tu sais, les salières. Les salières, oui. Mais en plus gros, c'est affreux. C'est par la compagnie Sensible Portions. Ce sont des croustilles aux légumes du jardin. Mm-hmm. C'est fait de pommes de terre, d'épinards, de brocolis et de pois. Et en haut, en gros, c'est écrit sel de mer. Donc, j'imagine que c'est important, sel de mer. Oui. Avec une cuillère puis du gros sel. C'est pas mal ça. En anglais, ça s'appelle Garden Veggie Chips. C'est pas mal la même chose. C'est sans gluten, c'est sans organismes génétiquement modifiés. C'est fait de légumes et de patates, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bon jusqu'au 25 novembre 2017. Donc, ça a de durer peut-être moins longtemps que d'autres sortes de chips. Les ingrédients, pommes de terre séchées, huile de canola et ou de maïs et ou de tournesol, poudre de légumes, épinards, brocoli, pois, semoule de maïs, malt ou extrait de maïs, monoglycérides, sel de mer et acide citrique. Donc en tant que tel, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, beaucoup moins non, que dans des chips habituels. C'est absolument tout ce qu'il y a sur la boîte. On voit la forme des chips qui est exactement pareil comme des Pringles. Tu as pris lesquels? Les traditionnels au sel de mer. OK, parce que je vais t'avouer que j'ai goûté à celle au barbecue. Ah bon, moi, ben attends. Déjà au passé. Dans le passé, je veux dire. Pas et au voilà. passé, mais dans le passé. Et j'ai hâte de voir la différence, en fait. Bon, ben moi, je suis triste que t'as déjà essayé la sorte, mais bon, au moins... Pas celle-là. Non, je veux dire la marque. OK. Ouais. Vous êtes prêts? On t'écoute dans le micro magique. Est-ce que tu veux que je l'enlève au complet? Oui, oui. Ah, voilà. Brasse pas la canette trop fort. Le petit bruit style Pringle. Éric, ça va arriver. Ça sent les Pringles. Ça sent bon. Puis... Est-ce que ça sent gras ou ça sent comme les Pringles, non? Ça sent pas gras. OK. Ça sent bon. Ouais, bon. Ça sent les chips Pringles. Non, excusez, les crisps. Les crisps. Bon, on veut que ça goûte pareil comme les Pringles. C'est le but de la chose d'acheter ça, non? Je suis sûr que c'est fait pour que le petit... Le couvercle puisse rester en bas. Tania a snappé le couvercle qui va en haut, elle a mis en dessous de la canne du tube. Qui aime ça courir son couvercle de tube? Bon, je vais m'en mettre sur un Kleenex sans être touché, là, parce que on sait jamais qu'est-ce qui est transmissible avec moi en ce moment. Là. Si jamais je veux en donner à quelqu'un d'autre tantôt, est-ce que ça va sortir du contenant? Bon, voilà. OK, on goûte. L'odeur, là. Ça sent pas mal gras. Ça sent... Vraiment gras. Ça sent les Pringles. Oui, chips ordinaires. Oui. T'es prêt? Ouais, go. Allons-y. Oh, salut! Vraiment, salut. C'est plus croustillant un petit peu que les... Plus épais? Les Pringles, oui, c'est ça, plus épais. Est-ce que tu goûtes les légumes dedans? Brocoli, épinards et pois? Un peu les pois, hein? Moi, j'aurais dit épinards un peu. Mm-hmm. Brocoli vers la fin. Ouais. C'est très bon. Mais clairement, le sel de mer se fait sentir. Ouais, ben, c'est pas pour qu'il a écrit en gros en haut. Hein. D'après moi, il voulait que ce soit la saveur sel de mer, donc ça va goûter le sel de mer. Versus les barbecues, toi? Vu que t'as déjà goûté au barbecue. J'aime mieux celui-là. Ah, pour vrai? Ouais. T'avais pas aimé, là? Les barbecues sont du style sucré fumé un peu. Mm-hmm. Je suis une fille de style original en partant dans les chips. Ouais. J'aime pas tant être fofolle. À moins que ce soit cornichon à la nerf. Oh, miam. Ouais, c'est bon. Parce que ça, là, c'est ma sorte. J'adore ça. Bacon aussi, c'est pas bon au bacon. Les Lay's au bacon. Oh, miam. Des Lay's au bacon. Ah, ouais, c'est bon. Donc, oui, moi, j'encourage ce produit. J'aime beaucoup. Ouais, croustille aux légumes du jardin. Je crois que c'était pas mal cher. Je me rappelle pas exactement du prix. Sûrement 4 $ environ. Tu penses? À la pharmacie, il me semble, environ. À la pharmacie? Ouais. Ah, je sais que chez Walmart, tu as pas cher. Ah, c'est possible. Mais bref, j'achète souvent mes fast-food à la pharmacie parce qu'ils ont des produits différents de l'épicerie, donc ça fait changement une fois de temps en temps. C'est par la compagnie Sensible Portions, croustillé aux légumes du jardin. Oh, le couvert vient de tomber, fait que c'est peut-être pas fait pour ça, finalement. Je suis désolé. On se fera une autre dégustation la semaine prochaine à Assemblage Requis. Pour l'instant, avant de terminer l'émission, on écoute une nouvelle entrée de Félix Diot. Voici « Je cours ». Et la pièce de jeu court. Il était soufflé pas mal à la fin. Vois ça. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Tania, on a survécu. En tout cas, merci d'avoir sauvé la vie à plusieurs reprises. Avec grand plaisir. C'était bien le fun. Merci aussi à Catherine Langlois pour sa chronique Voyage. Lundi à l'émission, on va être de retour, bien sûr, avec une toute nouvelle édition Assemblage Requis. J'espère que ma voix sera revenue à ce moment-là. J'espère, moi aussi, Mathieu. Parce qu'on n'a pas grand monde lundi, fait qu'il va falloir faire la même chose, sinon. C'est ça. On a seulement Xavier McLeish à partir de 9h lundi. Sinon, plus tard aujourd'hui, pas de Patriote en action cette semaine. Sachez-le. Malheureusement, donc pour l'instant de la musique. Ensuite, à midi, on sera de retour, toi et moi, pour une dernière heure de souffrance avec les Exactement. Valeurs assez fous. À 13h, la rediffusion de la semaine passée de Mathieu Plantchaud, là où j'avais une voix. Oui. En soirée à 19h, c'est Très Blues assez fou. Oui, tout à avec fait. Avec Denis Baudin. Et ses collaborateurs. Oh, bien sûr. C'est tout. Donc, c'est Fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les balados diffusion. Encore une fois, merci Tania. Merci à toi, Mathieu, encore une fois. Et on se retrouve demain à 7h. Ben oui, exactement. Et bon café. Oh, tout oui, le monde. Oui, bye.